Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils vont transformer mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Internumi Fit le Crible. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Pas bonsoir enfin. Folle ou quoi? Je sais que c'est Internumi le titre, mais tout de même. Alors Internumi, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant, donc je vais le faire direct. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un tout petit peu, genre pendant une vingtaine de minutes, d'un certain genre de film. Aujourd'hui les road movies. Et ensuite on va en écrire un. Peut-être en faisant des blagues, on verra. Si on est inspiré. Voilà, donc maintenant que vous êtes prévenus, qui est autour de la table? Vas-y, je t'en prie, en face de moi. Je passe oui, moi c'est Lily, enchantée. On s'est déjà écouté. Vous l'avez déjà vu dans les nouveaux hits de Internuit, tels que. C'était quoi déjà? C'était les science-fiction. Ouais. Les science-fiction, ouais, je me disais. Ouais. Voilà, Lily, voilà. Ok. Beaucoup d'études de cinéma à ton actif toujours? Non, c'était quelques. Quelques. T'en as pas fait plus depuis? Bah, ça fait vraiment 2 mois, donc j'ai fait 2 mois de plus, quoi. Ok, voilà, ça me va. Je t'en prie. Du coup, moi, bonjour, c'est Nicolas. J'étais là dans le dernier épisode, du coup. Tu étais là, ça fait 2 fois d'affilée. Ouais, voilà. Et bah, que dire? T'as pas changé, j'ai pas changé, j'ai pas changé, c'est toujours n'empêche moi. N'empêche que la dernière fois que je t'ai vu, t'étais grand comme ça. Donc j'étais trempé parce qu'il pleuvait, voilà. Exactement. Et maintenant, je suis suant de sueur, voilà. Tellement il fait chaud. Suant parce qu'il fait tellement chaud, voilà. Alors que ça fait même pas une semaine qu'on a enregistré. Je t'en prie, à côté de moi. Ouais, moi c'est Simon. Salut Simon. Voilà, salut, j'ai toujours pas fait d'études de cinéma. Mais voilà, on réinvite à chaque fois. J'ai déjà fait 2 épisodes, donc ça commence à. Hein, j'apprends des trucs quoi. 2 épisodes, ça équivaut à 2 semestres. À exactement. À la fac élémentaire. Grand minimum, et puis bah là on est là pour valider l'année. Hein, et puis. L'impartiel. Voilà, on va parler des road movies, c'est cool. T'as toujours pas vu Citizen Kane? J'ai toujours pas vu Citizen Kane. Après, c'est pas un road movie. Ouais, c'est pas un road movie, c'est ça, il a le droit. Tant qu'on fait pas les films de Hitchcock, c'est, oui, c'est même pas du Hitchcock. C'est Orson Welles. Je sais, justement, c'est ça la blague. J'ai pas compris. Le mec a pas compris. Ouais, c'est de l'absurde. C'est de l'absurde. Moi, c'est Antonin, vous avez l'habitude quand même, j'espère. Alors. Bonjour Antonin. Personne ne le dit à chaque fois. Donc ouais, c'est vrai, c'est je suis présentateur. Écoute, bon, je me sacrifie pour mes chroniqueurs. Alors, les road movies, on va reprendre la même formule que les 2 derniers épisodes, hein. Maintenant c'est devenu une coutume pour vous, les auditeurs. On va faire des toutes petites chroniques, chaque personne va pouvoir dire des choses sans être coupé forcément par les autres piailleries des autres chroniqueurs affables, ou moi qui fais des blagues. Donc Lily, je t'en prie, commence. Pour toi, qu'est-ce que c'est un road movie? Et qu'est-ce que, voilà, je sais pas ce que t'as écrit, donc je sais pas comment t'introduire. Alors, pour rappeler du coup les quelques études de cinéma que j'ai fait, il y avait un cours sur le road movie justement, donc j'ai essayé de synthétiser un peu le cours, et je vais faire une approche un petit peu théorique, historique du genre pour voir les influences, les thématiques principales, etc. Comment ça a émergé, machin. Du coup, on commence à nommer et reconnaître le genre du... Non, en gros, le premier film qu'on a appelé road movie, c'était Five Easy Pieces de Bob Rafelson en 70, avec un Jack Nicholson ouvrier caractériel qui va retourner voir son père mourant et donc prendre la route. Et devient le Joker. Oui, quelques années plus tard. Parce qu'on vit dans une société, finalement. Et pourtant, du coup, la figure du vagabond un peu qui erre sur les routes était déjà présente dès les débuts du cinéma, puisqu'il y avait un personnage connu que tout le monde connaît, j'espère, Charlot, qui était sur la route, le vagabond. Quoi. Toute la sainte journée. C'est ça. Mais c'est quand même un mouvement qui est né aux États-Unis, et donc comme inspiration, il y a notamment les hobos, donc c'est-à-dire les travailleurs sans domicile fixe qui devaient fuir un petit peu la crise des années 30 et qui se déplaçaient un peu de ville en ville avec les trains de marchandises et tout ça. Et c'est notamment le film de John Ford, Les raisins de la colère, qui est sorti en 1940 et qui montre la vie des Américains qui ont été poussés sur les routes et plongés dans la misère à cause de la crise. Ensuite, du coup, pour en revenir aux années 70, là où le mouvement était à son prime. Au top des charts. Du coup, c'était les années où il y avait les hippies qui prenaient beaucoup la route, et évidemment que ça a beaucoup influencé les road movies. Puisque globalement, le road movie, bon, moi je parle du road movie vraiment classique américain, s'inspire du coup de la culture et de l'histoire américaine telle qu'elle a été vraiment, quoi. Et ça dénonce. Et donc. Merci. Ça dénonce. Du coup, on peut rappeler que c'est quand même pas trop dans la culture américaine de rester sédentaire, que depuis la conquête de l'Ouest, ils ont toujours été un peu nomades. Et par contre, il y a un paradoxe intéressant à noter sur le road movie, c'est que le personnage principal, il s'identifie en général à une minorité exploitée et oubliée, donc plus à la figure de l'Amérindien qu'au cowboy, en fait. Exactement. Et donc de là, je vais faire un petit parallèle avec le western, donc pareil classique, hein, des années 50-60, qui est en train de s'essouffler à mesure que le road movie devient de plus en plus populaire, notamment dû à la guerre du Vietnam ou à la jeune génération qui conteste un peu la domination coloniale et tout ça. Et donc, le roadrunner, donc, qui est le personnage du road movie, il n'y a pas d'attache au sol et il ne s'intéresse pas à la propriété, ce qui est quand même l'inverse du western. Et aussi... western où il y a souvent peu de place pour deux personnes dans une même ville. Exactement. Là, c'est tout l'inverse. Et donc, les road movies américains ont souvent aussi tendance à montrer le chemin inverse du western, donc de l'ouest vers l'est. C'est pas forcément pour réécrire l'histoire, parce que c'est un constat plus, et c'est surtout pour s'intéresser à ce qui a été laissé ou oublié en passant. Voilà. Exactement. Donc de là, on peut classer un peu deux types de road movie vraiment classiques des années 70-80. Donc il y a le road movie politique, qui conteste un peu le système capitaliste, ethnocentré américain et tout ça. Donc par exemple, Taxi Driver. Ouais, ça dénonce bien. Donc Taxi Driver, où le personnage de Niro incarne un traumatisé de la guerre qui conteste la société à une heure d'élection en plus. Et il y a aussi du coup le road movie un peu existentiel, donc où le personnage principal va avancer dans un questionnement personnel à mesure qu'il avance aussi physiquement. Donc c'est par exemple Un monde parfait de Clint Eastwood, où globalement c'est l'histoire d'un vieux qui court derrière un jeune dans une cavale d'évadés de prison, et métaphoriquement ce même vieux court un peu derrière la jeunesse et l'enfance qu'il n'a pas eue, etc. Exactement. Voilà, donc ça c'était une présentation un peu générale du genre et tout ça, mais évidemment ça a donné place à des films beaucoup plus légers, genre Very Bad Trip, La famille Miller, tout ça. Little Miss Sunshine. Exactement. Voilà, c'était ma chronique. Et j'ajouterais à ça que dans l'épisode de l'ancienne version d'Intérieur Nuit qu'on avait fait, Tanguy avait résumé assez bien, en une phrase, le mood des road movies, c'est un voyage extérieur pour un voyage intérieur, finalement. Exactement. Waouh. Ouais. J'aimais bien j'aime beaucoup, Tanguy. J'aime beaucoup. Pas, j'allais dire rest in peace, mais non, représente. Dédicace. Nico. Comment il va, Nico? C'est moi. Il va nous faire sa petite chronique. Ouais. Du coup, c'est pas du tout détaillé. Mais tu voulais parler de quel film? Comme Lily et même comme Simon, ce qu'il va faire. Moi, j'ai choisi un film plus précis. Il s'appelle du coup Into the Wild. Ah, bien sûr. De Sean Penn, du coup sorti en 2007, qui est du coup inspiré d'un bouquin. Oui. Donc Voyage vers la solitude de John Krakauer, qui est d'ailleurs excellent comme livre et comme le film est trop bien. Ouais. Et donc tous les deux, du coup, s'inspirent de l'histoire vraie de Christopher McCandless, dit aussi Alexander Supertramp, donc Alexandre Super Vagabond. Super Vagabond. qui est du coup l'histoire d'un homme qui fuit du jour au lendemain son quotidien sans prévenir personne. Donc du coup, les raisons quand même, un peu expliquons-les. C'est parce que, en fait, l'environnement familial dans lequel il a grandi est assez toxique. Donc, du coup, ses parents sont alcooliques, ils sont assez violents, ils le harcèlent psychologiquement. Et donc, du coup, il va être poussé, en fait, à finir ses études. Il les finira diplômé haut la main, du coup, en histoire. Et en fait, finalement, mais il n'a pas trop de potes. Enfin, il est un peu dégoûté de l'être humain et de l'humanité de façon générale. Et donc, finalement, quand il a passé son diplôme, il va tout quitter pour rejoindre l'Alaska, parce que son bouquin préféré, c'est L'appel de la forêt de Jack London. Compréhensible, voilà. Car c'est aussi un très bon livre. Oui. Voilà. Et donc, du coup, Into the Wild, ça raconte finalement tout son périple. Du coup, il part de la Virginie, donc sa région où dans laquelle il habite, jusqu'à l'Alaska, du coup. Ça voilà. Fait une trotte. Une trotte, hein. Exactement. Et voilà. Et donc, du coup, il va rencontrer plein de personnages exubérants. Et voilà. Ouais, ça, c'est un truc qu'on peut isoler ça, aussi c'est, des, voilà, des road movie finalement. Ouais. Les personnages qui, secondaire. Eux, sont sédentaires ouais. et secondaires, du coup. Ouais. Exubérants, mm. pas dans les normes et tout. Et qui souvent ont énormément de contraste avec le personnage principal. Mm. Ouais. Bien sûr. Pour apporter un peu de relief mm. au scénario. Simon, je te vois sur ton téléphone là. Let's go! Hein? Non, parce que je notais 2-3 films qui me sont un peu revenus à l'esprit. Mais je t'en prie. Alors moi, du coup, je vais parler un peu des séries en rapport avec le road movie et aussi ouais. un peu de l'influence de la pop culture sur les road movies. Certes, vas-y. Je laisserai, je m'en fous, je ferai pas de montage, je ferai pas de cut. Là, il s'avère pour ce très agréable. Du coup, ouais... donc la pop culture a un peu influencé le road movie classique dont on parlait un peu avant. Mmh. Un peu. Et aujourd'hui, parfois, le road movie, c'était un genre qui se prenait pas mal au sérieux, qui parfois se retrouvait un peu dévié. Genre, je sais pas si vous avez vu le film Paul avec, avec Simon Pegg. Et évidemment. C'est une sorte de E.T. bizarre. Mmh. En gros, c'est un alien qui va dans une caravane avec deux mecs. Et en gros, c'est vraiment du tout du long, ils font un voyage en fait pour retrouver le vaisseau de Paul. Non, mais c'est Simon Pegg et Nick Frost qui se sont dit putain, on va se faire un délire, mon gars. C'est tout. Voilà, et du coup, c'est Ted un movie, avec un alien. Voilà, exactement. Et c'est vraiment très drôle. Enfin, voilà, je vous conseille. Mais aussi, il y a eu pas mal de films un peu populaires. Genre, je sais pas si vous avez vu Le Tour du Monde en 80 jours. Bah, c'est un grand film de mon enfance. J'ai lu le livre, mais j'ai pas vu. Moi, j'ai vu Jackie Chan. Ah, putain. Okay, j'ai vu le dessin animé où c'était ouais, des animaux. Ouais, le dessin mais... le film, c'est très bon, c'est très film de combat. On va dire que ça perd un peu le sens caché du road movie. C'est vraiment c'est des combats tout le temps. Mais bon, voilà, mon cœur d'enfant était le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan. Voilà, genre, franchement, c'est à voir. C'est ouais, assez mais, non, mais si tu me disais pas que ça existait, je me dis non, mais c'est un Camoulox, enfin, c'est un cadavre exquis quoi. Ouais. Ah non, mais c'est génial. Ok, bah écoute, je sais ce que je vais regarder ce soir. Voilà, et aussi aujourd'hui le genre se renouvelle hein, avec notamment The Revenant, un film qu'on a vu. Oui, j'allais me demander si on allait en parler. Peut-être on discutera un peu plus après. Mais moi, du coup, là, je vais surtout parler des séries et le rapport avec le renouvelé, parce qu'il y a des séries qui ont un peu ce thème-là, forcément le thème principal, ouais. mais un peu le thème de fond. Par exemple, The Walking Dead, finalement. Le thème principal, c'est les zombies, voilà. Mais il y a vraiment un thème. Non, de... en vrai. Au moins, les 2-3 premières saisons où ils sont pas du tout installés, où il y a un voyage vraiment, et tu vois les personnages vachement changer. Mm. Tu compares un Rick policier gentil au début, et tu vois qu'au final, c'est un peu moins manichéen. Quoi. Au fur et à mesure des saisons, c'est pas le même. Hein. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, et au final, les gens perdent pas un peu leur humanité, mais parfois si. Enfin, voilà. Mm. Du coup, il y a un peu ça. D'ailleurs, dans Fear the Walking Dead, parce que moi, je suis un peu un fan, c'est encore plus accentué parce qu'ils s'installent vraiment jamais. C'est toujours des gens qui se déplacent. Et c'est un voyage. Puis ça commence encore plus tôt que The Walking Dead. Voilà, exactement. Ça, c'est au début de la pandémie. Enfin, bref. Du coup, c'est vraiment... les gens changent complètement. Enfin, voilà. Et aussi, je voulais parler d'une série Netflix, je suis fier de ma génération, qui s'appelle The End of the Fucking World. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, mais j'ai pas vu. Qui a été annulé. Ah ouais, parce qu'ils préfèrent faire finalement cette saison de Élite, hein. Ah. Ouais, finalement. Ouais. Je vais surtout parler de la saison 1, du coup, mais en effet, la saison 1, c'est vraiment typique du renouvelé, c'est-à-dire qu'on part d'un personnage qui semble être un psychopathe qui torture des animaux. Qui se dirige vers un parcours classique finalement du tueur en série et en fait une formation quelques semaines voilà exactement et péripéties vont l'amener à fuguer avec une fille et tout au long d'un voyage initiatique de 8 épisodes en tout cas pour la saison 1 et donc l'acteur c'est Alex Lawther. Il a une gueule un peu. Voilà. Il a une gueule. Exactement. Il fait. Ouais. C'est un vrai psychopathe quoi. Voilà, on voit direct qu'il est chelou. Enfin voilà. Il joue bien le mec perturbé en tout cas en société. Et finalement, on va comprendre peut-être que il est pas si chelou que ça. Pas envie de trop spoil, mais c'est intéressant de voir. C'est un alien comme dans Paul. Peut-être. Je crois. Voilà. Enfin, si je me rappelle plus. Hein, mais... Non, mais je l'ai pas vu surtout. Voilà. Et à l'inverse, toujours avec Alex Lawther. Je sais pas si vous avez vu Black Mirror. Bien sûr. Ah, le truc. Exactement. Ça, sorti de nulle part. Mais exactement. Ah, c'est le. Ah, je vais le biper parce que c'est un spoil. Mais. Ouais. Bah en fait justement dans Shut Up and Dance. C'était toi et danse. En fait, on voit Alex Hauser qui, lors de tout un épisode qui, ça dure quasiment un film en fait. On voit justement un personnage qui au contraire semble très innocent et il lui arrive des trucs injustes. Finalement, on va voir que c'est pas forcément si manichéen que ça. Donc là, en fait, c'est un peu l'inverse. Le spectateur qui va apprendre à en connaître plus sur le personnage tout au long du film, donc c'est un peu l'effet inverse finalement. Enfin voilà, c'est le développement est déjà fait et c'est nous qui comprenons un peu tout ce qui se passe autour de ce personnage. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les séries de road movie, mais je pense que après il y en a vraiment comme il y en a vraiment beaucoup quoi. Ah, oui, ouais, oui. Tout à fait. En vrai, comme tous les genres, il y a énormément de films et en plus qui se ressemblent pas tellement en apparence, mais au final ont tous dans le fond, cette la même manière de traiter les thèmes qu'ils abordent. Oui, des, oui. Le des Revenants ou comment ça s'appelle, Little Miss Sunshine, en vrai. Il y a beaucoup de similarités quand tu prends du recul sur comment est racontée l'histoire et, et les thèmes que ça aborde. Alors qu'il y en a un, c'est un gars qui revient, qui s'est fait abandonner au milieu du Far West, et l'autre, c'est une petite fille avec sa famille complètement déglinguée qui parcourt les États-Unis pour une concours de Miss. Little Miss, littéralement. Mais, et pourtant, ça raconte à peu près la même chose sur la... sur la famille, la reconquête de soi et tout. Ouais, c'est un genre qui est très typé quand même. Qui aborde toujours à peu près les mêmes, les mêmes thèmes sur la personnalité. Il y a quelques exceptions en vrai. Ouais. Oui, évidemment. Évidemment, mais oui, non, mais oui, de façon générale. Généralement, c'est des exceptions parce que tu les reconnais. C'est les exceptions qui confirment la règle. Oui. Genre Green Book. Qui parle de qui est vraiment l'inverse, qui parle vraiment de César, non, qui parle vraiment, tu vois, Oscar, je crois, Oscar des meilleurs films, qui parle vraiment d'un jazzman, je vais pas dire l'instrument, je sais plus, je crois que c'est du piano, mais je suis pas sûr, d'un pianiste afro-américain et de son chauffeur blanc. Donc là du coup il y a déjà l'inversion très importante de la de j'ai un tableau très important, et c'est vrai que du coup ça va être ça se passe, ça montre... pas de nos jours surtout, mais ça montre vraiment l'injustice du coup, parce que le chauffeur est blanc, donc il aura plus de privilèges alors qu'il est juste chauffeur et que l'autre c'est un mec super connu quoi. Enfin, c'est un pianiste qui remplit des salles entières et entières, et c'est vrai que j'avais hésité à en parler aussi, mais je me suis dit que c'est pas trop enfin par rapport à la conquête de soi, etc., c'était beaucoup moins pertinent. Je voulais caser quand même. Mais tous les films politisés, quoi. C'est ce que disent un peu Lily, c'est un peu critique de la société. Toujours très politique. De toute façon, tous les films où il y a des mouvements. Moi, je pensais. Alors, je sais plus du tout comment il s'appelle. Je vais le rechercher là tout de suite. Un film avec l'acteur de Mad Max qui s'appelle Tom Hardy. Qui a un film à tout petit budget où juste il conduit une voiture, et c'est un film où il conduit une voiture pendant une heure et demie. Et il reçoit des appels, et en fait c'est une heure et demie en temps réel de lui qui reçoit des appels parce que on sait pas pourquoi il est dans la voiture, on sait pas d'où il part, on sait pas où il va, et en fait au fur et à mesure des appels, il reçoit un appel de sa femme, un appel de son boss parce qu'il devrait être au boulot le lendemain, et il dit je peux pas, etc. Et en fait on se rend compte, je vais pas, est-ce que je peux, non, on se rend compte ce qu'il fait dans la voiture quoi. Enfin, en fait on se rend compte de pourquoi, et l'histoire est hyper bien, enfin pas hyper bien, c'est bien imbriqué, voilà, c'est un bon film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, un bon petit film d'auteur avec un concept, et tu vois que même si là il y a pas les étapes classiques du road movie, il y a un déplacement, tu vois quand même les, enfin tu vois pas, mais t'as les personnages qui viennent transformer la manière qu'on a de voir le personnage depuis le début, un peu comme dans The End of the Fucking World ou dans tous les autres trucs de road movie où t'as une idée sur un personnage, puis tu te rends compte de pourquoi il fait ça, d'où il vient, etc. Bah là, c'est littéralement ça appliqué à la lettre. Ça pourrait être une pièce de théâtre, en fait, parce que c'est un huis clos dans une voiture. Et c'est assez bien. Je vais chercher le titre. Je connaîtrais pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les road movies, c'est que selon la nationalité du film, on voit vraiment des différences culturelles et politiques aussi quoi. Ah ouais, on a parlé, c'est vrai que faut dire, il avait dit que c'était beaucoup américain, mais après c'est vrai que c'est pas un genre qui s'est trop, j'ai l'impression, après j'y connais pas pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de road movie français ou allemand, etc. Enfin, je sais que... Du moins, ils ne sont pas aussi connus. C'est ouais. ça, c'est ça. C'est moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est Sans toi ni loi de Agnès Varda. Oui, oui, oui, bien sûr, oui. Agnès... Ou... Mais c'est vrai que c'est presque l'un des seuls en France, quoi. Mad Max, en fait, je t'ai parlé de Mad Max. Bah, Mad Max Fury Road, bien sûr. Même Mad Max, le premier. Oui, Mad Max, tout court. Le deuxième, je ne l'ai pas vu, mais... Fury Road, c'est le troisième, je crois. C'est le tout récent, reboot, celui mais... avec Charlize Theron et Nicolas Hoult. Ouais. Ouais. Et ben, ouais, juste ça en fait. C'est le oui, oui, oui, bah oui, hyper politique en plus. Enfin, c'est... Oui, oui. Il oui. y a quand même un aspect hyper hyper politique dans tous les road movies. Ouais. Et généralement assez ancré contre le système. Hein, ouais. C'est jamais. Ouais, l'Empire, c'est bien. Ouais, grave. Mais ouais. Généralement, quand on pense au road movie, bon là du coup, le plus traditionnel, mais américain, on a souvent un peu les mêmes scènes. Enfin, déjà, je trouve ça, c'est vachement rythmé de la même façon, avec des temps de, pas d'action, mais voilà, avec des temps de pause. Et souvent, il y aura la scène de temps de pause au motel ou à la pompe à essence. Souvent, il y aura la scène où ils sont sur la route, enfin... Il y a vachement, je trouve, le même... Ouais, il y a des codes. Voilà, il y a vraiment un peu des codes dans le truc traditionnel. Mmh. Et oui. Je trouve, enfin, c'est vraiment rythmé de la même façon. Il y a vraiment certains films, je pense que tu peux comparer un peu le voyage avec... Oh là là, il y a ce temps de pause. Mais c'est un peu le... En ce moment, ils reprennent en fait, la route. Ces scènes-là, c'est un peu leur monomythe, quoi. C'est, exactement. C'est toujours ce autour de quoi on gravite. Ouais, ouais. Donc, le film dont je parlais, c'était Loki, L-O-C-K-E, voilà. Ok. Film de Steven Knight, sorti en 2013. Très c'est récent. Ouais. Et il était déjà hyper connu à l'époque et voilà. Mmh. Moi j'ai bien aimé ce petit film qui paye pas de mine. Qui ne paye pas de mine. Ouais. Lily, tu m'avais aussi parlé des valseuses oui. avec Depardieu. C'est vrai que là c'est un. Ah la perche movie, mais Lily, dis donc Dis-moi Lily qui est complètement différent du coup. Ouais, road movie, oui, si on peut dire que c'est un road movie. Mais oui, très bon film. Enfin, très controversé. Enfin, c'est le film récent. Non, c'est un film de Bertrand Blier avec c'est le premier film de Depardieu. Avec Miu Miu et Patrick Devers, où en gros, c'est deux pauvres mecs vraiment perdus dans le système français dont personne ne veut, qui sont agresseurs sexuels, enfin tout ce que tu veux, et qui cherchent un peu un sens à leur vie et qui vont finir par le trouver plus ou moins. Voilà. D'accord. Mais vraiment très ancré dans son époque, années 70 aussi. Du coup, un peu axé sexe. Ouais, très axé sexe, libération de très, la femme. Très années 70, beaucoup, beaucoup sexe. Mais voilà. c'est un film qui marque, hein, franchement. Ouais. Tu restes pas indifférent, c'est tellement. D'accord. Genre, assumé. Oui, c'est voilà. Et ben, les valseuses, voilà. En parlant de tous ces films-là, on a quand même. Isoler quelques entre scènes ou tropes qui sont hyper récurrents, parce que c'est un genre hyper codifié, un peu comme le western finalement, auquel tu comparais que c'était un peu l'exact inverse, mais c'est l'exact inverse parce que les codes sont très, très présents, ancrés, ouais. Très présents dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on peut isoler comme petite trope, comme petite scène Moi, j'ai noté une petite phrase. Vas-y. Franchement, j'ai trouvé ça avant de prendre mon vélo. J'ai noté que le road movie, c'était la fuite d'une vie qui ne peut répondre aux attentes des personnages au bord des précipices. Oh. Voilà, j'ai trouvé ça très poétique. Ouais. J'étais assez fier de moi là. Tu te lances pas du tout des fleurs. Non. J'ai trouvé ça assez poétique car c'est moi qui l'ai écrit finalement. Mais non, mais le titre du film. Voilà. Une phrase à rallonge. Ouais, moi j'avais une phrase pour résumer aussi, c'était trouver dans l'ailleurs une version améliorée de l'ici. Et c'était. Il y a que des poètes à cette table. Ouais. Non, mais c'est pas de moi. Hein. Mais je me souviens plus des auteurs. Moi, mais j'en avais trouvé une. C'était Partir un jour sans retour. Ah voilà. Je la trouverais bien en comédie musicale, celle-là, non? Peut-être pas. Non, je sais pas. Ouais. Je suis pas pressé. Comme ça, hein. Je vous la donne. C'est gratis. Donc, on a déjà pour commencer à parler des personnages. Parce que le cadre, il est très très vaste. Ça peut prendre n'importe quelle époque, n'importe quel contexte, on va dire, politique et social. Les personnages, généralement, on a quoi comme personnage principal? Déjà, c'est un, deux grands max. Ouais. Ouais. C'est plus intéressant s'il y en a qu'un, je trouve. Ouais. Oui. Je sais pas, les deux. Généralement, t'en as un, et puis t'as le deuxième qui vient se greffer au premier. Mais généralement, les road movies où il y en a deux, c'est genre les buddy movies où, Ouais. où genre ça part un peu plus dans le comique. Mais après, ça dépend, on peut faire un road movie comique. Oui. Hein. Oui, bah, oui. Moi, je trouve ça sympa de garder le côté un peu classique, critique de la société. Ouais. Parce que c'est vraiment un truc qu'on peut isoler du road movie, plus que dans un autre genre. Parce qu'après, c'est vrai que je pense que tu peux même avoir des exemples de road movie science-fiction. Enfin, ça peut se mélanger un peu, tu vois. J'ai l'impression. Ah oui, oui, clairement. Oui, mais la critique de la société, ça reste fort. Je pense que c'est un peu le truc qui reste. Voilà. Du coup, on part sur un seul personnage principal. Ouais. Ouais. Et que des personnages secondaires autour qui gravitent, si on est dans l'espace littéralement, autour. Ah. Un paria, un ou une paria. C'est généralement des hommes. Hein, ouais, c'est vrai ça. C'est assez rare. À part Thelma et Louise. Thelma et Nomadland aussi. Santoni Loi, Nomadland. Nomadland, quand même, avait été. Nomadland, c'est clairement un road movie, quand même. Okay, qui dénonce aussi toute la société capitaliste, etc. Ouais. Et c'est vraiment le personnage principal, c'est Francis McDormand. Oui, mais c'est vrai que si globalement, c'est quand même des mecs. C'est que c'est un film de 2021. Ouais. 2020 ou une autre 2020, ouais, 2000, je sais pas. L'un des deux. De manière classique, c'est quand plus même des hommes. Bah, après, c'est vrai que peut-être si t'étais Thelma et Louise, c'était dans des raisons précises, tu vois. Enfin, oui. Thelma et Louise, c'était. C'est... En fait, quand c'est des femmes, quoi, c'est justifié. Oui, c'est ça, c'est alors très que quand c'est des hommes, c'est même par défaut. Nomadland, ouais, je pense que Nomadland, t'aurais mis l'histoire de Nomadland avec un mec, ça aurait pas du tout été le même impact, je pense, sur les. Puis surtout que Nomadland, si je me trompe pas, c'est Chloé Zhao qui l'a fait. Chloé Zhao. C'est une femme. Antoine Ilois, c'est Agnès Varda, c'est une femme. Ouais, ouais. J'ai un road movie en tête de Kelly Ricard. Je me souviens plus du nom, mais c'est encore une réalisatrice femme qui met en scène des femmes. Donc en vrai, à part Ridley Scott, moi j'ai pas d'idée de réal qui a mis en scène des femmes pour un road movie, quoi. Non. Elles sont très. Elles apparaissent dans les road movies, mais elles sont très, très secondaires, quoi. Enfin, après, parfois, elles occupent quand même la place de l'action principale. Ouais. Par exemple, dans Paris, Texas. Ouais, j'allais dire vraiment, ça. Mais on est trop connectés, quoi. C'est vraiment pour retrouver la femme, du coup, la mère aussi. Ouais. Mais c'est vrai que, elle est là, mais elle est, enfin. Ouais. Ouais, c'est très intéressant, enfin. En fait, elle a une place très importante dans le scénario, mais pas tellement dans la mise en scène, quoi. C'est ça. Bah, même quand elle est à l'écran, elle parle très très peu. Elle est toujours derrière un peu déshumanisée, masque de verre, enfin. Ouais. Je pense que du coup je rebondis, mais dans Mad Max Fury Road, finalement, il y a quand même le personnage de Furiosa qui est aussi un peu qui limite. Hyper badass déjà. Bah non, mais oui, mais c'est limite plus. On la voit plus, enfin, beaucoup plus l'action que Mad Max. Parce que Mad Max c'est un personnage qui est très muet, etc. Et Furiosa est très vivante. Mais c'est vraiment elle qui fait tout le truc, alors que lui il est juste derrière ça. Moi c'est ce que j'ai bien aimé. Tout le début du film, il est attaché à la voiture des méchants. Là, il parle pas. Enfin, il fait rien, tu vois. Donc c'est vrai que le personnage principal subit là-dedans, c'est plus Furiosa. Au début, pour moi. Il subit, et puis après, c'est quand même lui le protagoniste. Mais... C'est... Ouais. Mais en tout cas, le film, pour moi, Mad Max, c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. Hein. Enfin, Fury Road, en tout cas. Oui, clairement, moi aussi. Il commence, il se fait capturer déjà. Oui. Et donc, il subit, et ensuite, il est protagoniste, tu vois. Mais c'est vrai que du coup tout ce moment-là, c'est même toute l'histoire repose sur toutes les femmes esclaves / servantes. Enfin, c'est un peu, enfin, vraiment Fury Road, c'est vraiment tout ça. Ça repose vraiment sur des femmes. Donc évidemment, le personnage de Mad Max est un homme, et il est là. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même très féminisé. Hein. Il y a beaucoup de personnages, déjà, y a personnages femmes que de personnages hommes. Il y a dans les comment ça s'appelle les mères. C'est elles, genre les femmes esclaves servantes, mères. Enfin, il faut un peu tout dedans. Non, mais là où ils vont dans la Green Place, c'est le groupe des bikeuses là. Retrouve, je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est un peu les légendes vivantes en soi, qui ont vécu la fin de l'endroit où il y avait de la verdure. Enfin bref, c'est principalement des femmes qui sont déjà les gentilles du film, et en plus qui font avancer l'intrigue, qui sont les points de repère, mais c'est toujours... Voilà, c'est ça. Phoenix, Arizona pour le film Amérindien, dont... alors je crois que c'était Liz qui avait fait une critique sur le crible, si vous voulez retrouver. Exactement. Un film de Chris Ayer de 98. C'est un très très bon film. Très bon film. Un peu niche, mais très bon film. Ouais, il faut avoir envie de le regarder. Ouais. Parce que évidemment, c'est pas hyper grand public. Ouais. Très très bon film. Et moi, pour relancer un peu le débat, je me suis dit, est-ce que les films de cavale, de manière générale, est-ce que ce serait pas un peu un sous-genre du road movie? Ou alors, rien à voir. Finalement, si, un parce peu, qu'il bah, fuit oui. quelque chose. Bah, ouais, ouais. Au final, c'est la même chose. No Country for Old Men. Ouais, bah ouais. Justement, j'y pensais. Ah, ouais. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est un film de road movie ou pas? Incroyable. Oui, bah franchement, oui, je pense. Hein. Ouais, bah, parce que dès le début, l'élément déclencheur fait qu'il doit se barrer, en fait. Ouais. Oui, et puis finalement, dans son périple, il trouve quand même. Des personnages très excentriques. Ubuesques. Ouais, oui, et puis un questionnement intérieur aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'Une nuit en enfer, c'est un road movie. La partie 1, oui. La partie 2, moins. Mais oui, la partie 1, oui. Ouais. Quête initiatique pour trouver des. Bref. On va pas spoiler, mais. No spoiler. Ouais. Allez voir ce film. Alors, on commence. Le personnage, on va définir le contexte juste après. Le personnage, on veut que ce soit qui? Il vient d'où? C'est quoi son background? René, 87 ans. En fait, c'est ça. C'est soit, enfin, ça dépend dans quelle époque on l'ancre. Parce que j'ai l'impression que si on le fait un peu époque contemporaine, on va dire, ça peut être n'importe quel type de personne. Alors que si on le fait genre années 70, moi, c'est très homme blanc. Ça pourrait être un gilet jaune. Tu vois, alors j'aimerais bien des années 60, genre l'époque de Mad Men, tu vois. Donc tout le monde qui fuit tout cet essor capitaliste. Littéralement, le personnage principal de Don Draper, le personnage principal de Mad Men. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mad Men, c'est une série sur les publicitaires de Madison Avenue à New York. Et c'est des gens très riches, très années 50, quoi. Littéralement, ce que vous imaginez, les méchants hommes blancs capitalistes. Ils sont là en mode c'est eux. Ouais, genre en mode. Et la série est incroyable parce que ça romantise pas du tout le truc. C'est cool. On voit pas du tout, genre, oh, c'était des génies ou quoi. Non, c'est des enfoirés de merde. Ah oui, vraiment, on montre vraiment, il y a des scènes assez violentes dans le sens où, pour nous, c'est assez perturbant de voir ça. Mais c'est vrai que c'est. Je sais plus c'est quel épisode ou quoi, mais c'est une saison où ils essayent de faire vendre du tabac. Et donc, du coup, alors qu'il y a tous les scandales, comme quoi c'est quand c'était c'est le début en plus des scandales. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque. Et justement, du coup, ils vont essayer de tout cacher, justement, de montrer que non, regardez, ça peut renseigner, ça peut remplacer les médocs, etc. Alors que l'occasion du lobby. Enfin, voilà. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça, ça débouche ça, le lobby. C'est trop. Mais cette série est hyper intéressante. Je pensais que c'était une histoire d'hommes qui séduisent des femmes, genre. Alors, du tout. Oui, aussi. John Hamm étant l'homme le plus beau sur Terre, forcément, ça part un peu de it, ça. It. Parce que maintenant, il a très mal vieilli, je trouve. C'est un autre débat, mais moi, c'est quand il veut ou veut. Débat pareil. Même maintenant. Même dans Baby Driver. Et Baby Driver, road movie? Non, pas trop. C'était un peu nul, Baby Driver, pardon. C'est juste mon avis c'est subjectif. C'est l'Elgor, de toute façon. Je pense pas que avec Taxi Driver, mais non. Okay. Non, je pense pas que ce soit un road movie. Mais non, pas du tout. Mais Taxi Driver, c'est un road movie, non? Ouais. C'est un road movie particulier, quoi. Oui. Dans le fond, ça. Taxi Téhéran. Road movie. Taxi 4. Non, road movie. Tous les films Taxi avec le moyen de nouveau Colosseum dedans. Taxi 5. Road movie. Réalisé par Franck Gaston Bide. Je me suis perdu. Du coup, on disait le personnage. Du coup, dans l'époque de Mad Men des années 50, 60, ce genre de personnage et justement guerre qui fuit ses traumatismes. Un perso qui s'est reconstruit après la guerre justement en étant un mec comme Don Draper hyper pas avide mais très intelligent pour faire de l'argent etc. Mais profondément malheureux en soi. Du coup, après la Seconde Guerre mondiale. Moi je verrais. Fin des années 50. Okay. Là, genre, ça fait quand même une dizaine d'années, et là, vraiment, il a sa crise de la cinquantaine. Du Vietnam, peut-être. Ah, et c'est le début aussi. Et là, vraiment, c'est le truc de trop, et c'est ça qui le fait partir, littéralement, en vrille, et partir tout court de son truc à Madison. Donc, homme blanc, cis, finalement. Ouais, mais il va rencontrer que des gens qui ne le sont pas, justement. Ouais. Et ça, c'est. Parce que lui, du coup. Oui. Qui littéralement, ce sera le vaisseau d'un personnage à un autre intéressant qui vont le faire évoluer. C'est ça que j'aime bien aussi dans le road movie. C'est qu'on se. En vrai, le personnage principal est un peu important, mais pas. Je me demande s'il n'y avait pas un film un peu comme ça aussi. Je me demande d'un après c'est peut-être tous les road movies du coup mais je crois qu'il y avait vraiment l'histoire d'un mais je me demande si c'était pas la guerre du Vietnam justement d'un mec qui est traumatisé par la guerre du Vietnam et qui rencontre bah, en pleine période après Reagan, je crois, dans les années 90, toutes les minorités qui commencent à prendre de l'essor aux États-Unis, donc genre tous les trans, etc. J'essaie de retrouver ça pendant que vous comblez. Vas-y, ça a l'air intéressant. Mais du coup, en termes d'époque, on est où? Parce que la Vietnam, ça commence en 55. Mm. Ah oui, exactement. Donc, début de mobilisation et tout, ça peut être une sorte de fuite. Après, Est en Ouest, États-Unis vers Mexique. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une destination, c'est ça aussi? Est-ce que dans les road movies, il y a toujours une destination? Pas forcément. Non, pas tout le temps, mais de toute façon, même quand il y a une destination, ils l'atteignent pas. Ouais. Ou alors ils l'atteignent, mais autrement. Et en fait, il n'y avait pas vraiment leur but. Enfin, c'est toujours un peu nuancé. C'est la désillusion un peu. Ouais, voilà. Les films d'aventure se rapprochent aussi des road movies dans ce sens-là, parce que il y a toujours un voyage d'un point A à un point B. Et bon, même si c'est un peu plus populaire et c'est moins profond, il y aura un peu ce côté-là où ils cherchent à arriver à quelque part. Ouais. Mais là, du coup, peut-être que c'est juste une fuite. Moi, je veux que ce soit un mec comme ça. Donc, on va prendre la référence, on va l'appeler Don Draper. Voilà. On va lui trouver un vrai nom juste après. Ouais. Mais je veux que ce soit un connard, mais un peu où on se fout de sa gueule, tu vois. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, souvent les road movies, le personnage, il est un peu détestable en fait. Enfin, pas détestable, mais. Je veux qu'à la fin, on se foute quand même de sa gueule encore. Ok. Bah ouais. Mais juste pour un plaisir personnel. et il part, et son objectif, il faut qu'il soit un peu ridicule ou. Je sais pas, enfin, pas ridicule, mais un peu. Inatteignable, utopique, on va dire. Il va aller au Mexique, je sais pas, peut-être pas au Mexique. Est-ce que ça peut être un truc genre, il s'était promis un truc avec son pote pendant la Seconde Guerre mondiale, genre ouais, un jour on ira là et on fera ça. Et puis, son pote il est mort depuis 5 ans. Ça, on s'en rend compte, je sais pas. Il a une chaussette sur laquelle il a mis des yeux, il a fait salut. C'était John, son pote. Et... Alors, je suis pas mort. En fait, je suis schizophrène. Il en a parfaitement conscience, mais il le fait quand même. Ouais. Non, mais du coup, ça peut être un voyage un peu initiatique où justement on voit toute la société américaine de ces années-là, où peut-être au final, lui, on découvre qu'il est homosexuel et qu'il serait grave rejeté s'il l'assumait, ou je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Il traverse un peu le sud des États-Unis et il trouve plein de trucs hyper horrible sur les États-Unis, quoi. Faut qu'il en apprenne plein sur lui-même. Bah oui. Ouais. C'est-à-dire que le voyage extérieur sur un voyage intérieur. Ouais. Ça peut être un truc justement où il se rend compte que son ami, c'était peut-être plus qu'un ami, et que sa disparition l'a fait beaucoup plus qu'il ne le pense. Les fois où on a baisé pendant des heures, c'était pas seulement amical. Beaucoup de gens, il leur faut beaucoup de baisse pour se rendre compte que peut-être que. Ah non, mais si, c'est pas mal comme idée. Ouais. Au moins, ça nous donne Land of Plenty. Ça s'appelle Land of Plenty avec Michelle Williams. Et en fait, c'est un. Du coup, je vous lis le pour script. Pour la guerre du Vietnam, du coup. Ouais, oui. En fait, c'est ça. C'est Paul, du coup, qui était un vétéran de la guerre du Vietnam et qui, en fait, c'est à cause des attentats, des événements du 11 septembre qui lui font ressortir tous ces traumatismes du passé. Ok, ouais. Et du coup, il va partir sur la route avec une femme qui est chrétienne. Et du coup, ça va faire bouleverser toutes ses convictions sur la foi. Ah. Et du coup, ils vont rencontrer plein de personnages exubérants. Ah, c'est super. Wim Wenders, voilà. Ouais. Ah, Wim Wenders aussi. Voilà. Ouais. Et ben moi, ça me fait penser à, juste pour l'aspect religion aussi, un film qui s'appelle Le goût de la cerise de Abbas Kiarostami, qui est mon réalisateur préféré, qui a gagné une Palme d'Or à Cannes pour ce film. Oui, ouais. Et bah pareil, en fait, c'est un mec qui prend la route tout le film. Il est dans sa voiture dans les hauteurs de l'Iran un peu. Et en fait, il veut se suicider, mais c'est contre la religion musulmane. Mmh. Et donc, il demande à d'autres gens de l'aider à faire ça. Et évidemment, personne ne veut le faire. Et vraiment, c'est un très beau film. Voilà. J'y avais pas pensé avant, mais du coup, ça m'y a fait penser. Ok. Voilà. Alors, lui, il veut pas se suicider. Oui. Déjà, on l'appelle comment? Un bien américain. Bien. Jam. Bien burger, bien. Ouais. Bah, non américain des années 50, genre. John, déjà, forcément. Ouais. Non, c'est très John Connor. John Smith. Ça va être John Connor, finalement. Ouais. Non, John Connor, voilà. C'est John Connor. Ah bah, let's go, hein. Ça me va. John Connor. John Connor, voilà. Il est français. C'est francisé. John Connor. Ouais. C'est québécois. Ça peut être un immigré un peu français bizarre. C'est un descendant d'immigrés français. Voilà. Ça se fait. Ok, donc John Connor. John Connor. 50 ans. Okay. Ancien courtier, du coup Vas-y, on va pas faire un mec dans la pub. Un trader. Parce qu'à l'époque, ils avaient encore besoin de gens qui le fassent. Ouais. un petit trader. Ok. Ok. Qui a du coup vécu la Seconde Guerre mondiale. Qui a été drafté la Seconde Guerre mondiale. Du coup, s'il avait. Ouais, il faut pas qu'il ait 50 ans, parce qu'il est 40, donc ça, en 55, du coup, ça veut dire qu'il en avait genre 24 en 39. Donc 27 en 42 quand les États-Unis sont entrés en guerre, ça 42 44 ouais, c'est... Non, 40, c'est 41 ou 42. J'ai oublié. Je pense que c'est moi, je suis l'une des deux. Bon, il avait 20, en gros 25 balais quand les États-Unis ils sont entrés en guerre. Lui, il vivait sa meilleure vie. Il venait de finir ses longues études pour être Wall Street, etc. Pour être Wall Street. Littéralement, devenir un bâtiment. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Et ça l'a marqué à vie, il a fait toutes les campagnes en Europe et tout, il a dû libérer les villages français. Ouais. Et il revient, donc il a 3 ans de plus, ouais. Il a 28 ans. Et là, là il se dit, ok, je vais tout essayer pour oublier mon passé. Enfin, ça, parce qu'il a perdu le peu de potes qui s'était fait à l'époque. Et donc il devient courtier, mais par contre il a tellement faim d'argent qu'il en a à foison, ça devient un requin finalement. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'il peut faire quel est l'élément déclencheur qui fait qu'il doit partir, quoi. Enfin, qu'il veut partir. Franchement, il faudrait que ce soit genre un tout petit truc, mais juste la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, tu vois. Mais faut... Il a plus d'encre pour écrire. Non, mais ça peut être quelqu'un qui est traumatisé par la guerre et. Et qui, je sais pas, il y a l'annonce l'arrivée au Vietnam et ouais. L'arrivée de Trump dans la finance. Moi, je verrais bien genre que la guerre du Vietnam, elle arrive mais en fond, genre okay, que ouais. Ce soit pas le truc qui okay, ouais. Ouais. Au pire, genre que ce soit un élément de contexte historique à la limite, mais pas de crash boursier. Bah, du coup, si je suis en train de me souvenir de tous les crashs là. Si on reprend l'idée de Simon au départ, qu'il veut aller retrouver son pote et que du coup c'est un guerre au foule et tout. On pourrait dire genre que c'est un homme célibataire qui essaye de faire des rencontres et que, je sais pas, un soir... À chaque fois qu'il faut passer à l'acte, il n'y arrive pas. Ouais, ou un soir, genre, il rencontre une femme qui a pas les mêmes idées politiques que lui et qui... Enfin, genre, qui lui dit, en gros... Enfin, vu qu'il est traumatisé par la guerre, qui lui dit quelque chose par rapport à la guerre qui lui le fait câbler, tu vois. Pourquoi tu vas pas au Vietnam? Ouais, d'où? À quoi? Faut défendre les intérêts américains. Faut défendre la patrie, tu vois, des trucs. Le capitalisme va pas se défendre tout seul, enfin, je sais pas. Et là... Ouais, voilà, ouais, ça peut être ça. Une qu'est-ce que tu connais à la guerre, toi? Ouais. Tu l'as faite? Oui. Ok. En tant qu'infirmière. Bah, bien joué. C'est général. Hop là. Non, ouais, ça peut être un peu ça... Des remarques innocentes. Ouais, c'est ça, un truc un peu naïf, mais lui qui lui fait trop réfléchir. Quoi. Ouais, lui, ça fait réfléchir. Ouais. On vit dans une saucisse. C'est vraiment incroyable. Non, mais ouais, ça peut partir de là. Et puis, bah, je sais pas. Peut-être qu'il. Ouais, non, là, je partais en couille, mais. Attends, en fait, j'imagine une situation où ça le fait partir brusquement. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, il la tabasse. Et genre, il a tué sans faire exprès. Même pour ces années-là, je pense que c'est chaud. Ah oui, non, mais du coup, non. Non, c'est vrai qu'un truc qui lui fasse. Ils sont dans un diner et il dit, ouais. Je suis désolé. Ouais, non, ça lui fait réfléchir et il se souvient à mort de son pote, ça lui fait grave se rappeler. Il dit, là, il parle, il a un dialogue avec sa chaussette. Avec sa chaussette. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que la guerre n'est pas la solution. Allons au Mexique. Allons voler le trésor de Chupacabra. Allez voter aussi, c'est important. Parce que t'as dit allons voter. Pardon. C'est trop tard quand il sortira. L'un des deux sera déjà élu. Ah bon, bah. Depuis quelques semaines. Fino fait le pour le. On fait des capsules en même temps, non, pour le temps. On fait des pronos. Je vais faire le montage, on va découper ce moment-là. Alors, les pronos. Alors. Ouais, je verrais bien une scène où, à mesure qu'elle parle, lui juste il la regarde et il est blasé, quoi. Ah oui. Et après, il dit bah. Il entend en écho, en fait. Ouais, c'est ça. Un personnage entend une explosion, tu sais, ça fait un petit ultrason et lui en mode. Ouais, un acouphène, en fait. Ouais, exactement. Il entend un acouphène. Il a trouvé le mot. C'est mais ouais, c'est. Il avait les mots. C'est un truc comme ça, un peu. Et puis là, gros flashback, je sais pas. Ça peut être Bobby, il s'égare tout le temps dans ses pensées et puis là il fait prends ma main. En fait ils sont pas du tout en danger mais juste prends ma main. pour l'aider à traverser la rue. Ouais, grave. Ah bah écoute, on a des souvenirs qu'on mérite, hein. Ouais, et là vraiment ça le fait câbler et tout, et il prend du recul, en fait il conscientise sa situation. Ouais. Il se dit ah ok, j'en suis là. Et là, il dit ok, pff, là, le mec, pff, j'en suis là, quoi. Non, il est fait avec un air blasé de ouf. Et il se dit ok, il faut que je parte. Je vais aller au Mexique et je vais devenir agriculteur de maïs. Comme on s'était promis avec Bobby. Non, mais un peu comme. Mais oui, bien sûr, pour honorer sa mémoire, un truc comme ça. Non, mais comme dans. Comment il s'appelle le film où le mec il court tout le temps, là. Forrest Gump. Ah oui, Forrest Gump. J'ai pas vu. Oui, il est cultivateur. De... Tu l'as pas vu. Oui, on m'a déjà insulté. C'est pas. Non, mais c'est étonnant, surtout. Oui, non, c'est vrai. Mais non, donc, en vrai, c'est pas le meilleur film. Non, mais. Ouais, mais dans Forrest Gump, ils se promettent qu'ils vont devenir un truc comme ça, tu vois. Ah oui, oui. Bah oui, c'est vrai. Un retour à la vie simple. Quand on parle de Forrest Gump, ça fait penser à Big Fish. Ah, ouais. J'ai bien aimé Big Fish, même si c'est très dur à regarder. Hein. Le Big Fish, oui. De Tim Burton. Oui, oui. Ouais. Oui. Ah ouais. Pour moi, ça a l'air d'être des films qui se rapprochent. Hein. Peut-être ah bon que je vais voir. Non, pas tellement. Non, pas tellement, non. Pas du tout. Mais c'est un road movie, par contre, ouais. Big Fish. Ouais, ouais, bah c'est pour ça, en fait. Même si c'est bon, c'est assez spécial comme road movie. Ah, hein. Ouais. Il y a Ewan McGregor, donc ça vaut tous les films. Ah oui, non, c'est un film. Il y a Ella Blanc Carter aussi. Non. C'est ouais. Un de ses premiers collaborations avec Tim Burton. Ouais. Franchement, l'arachimie avec Ewan McGregor. Ouais, deux très bons acteurs. Ça marche très très bien. Attends, on est en train de dire quoi? Il va devenir cultivateur de maïs. Ah oui, ouais. Non, mais un retour à la vie simple. Genre, ils sont promis ça dans Forrest Gump. Donc, ouais, au pire, ça peut être genre juste il prend la route parce qu'il a besoin de réfléchir, tu vois, un peu naïvement. Ouais, et il voit une. Il un panneau publicitaire. Il voit une pub genre. D'avocat. Vente en gros de pommes. Ouais. Ouais, je sais pas, les pommes américaines, ça pourrait être un peu dégueulasse. Je sais pas, au Mexique, s'ils cultivent des pommes. Non, mais un truc mexicain, genre. Le maïs. Faritas. On va devenir cultivateur de faritas. Non, ouais. Éleveur de tacos. Ça peut grave être un moment où justement il traverse la frontière et il se rend plein de trucs sur comment ça se passe déjà à ce moment-là, comment les Mexicains sont traités et tout. Et ah oui, et de là on critique un peu la société, le gouvernement Trump. Ah bah aussi. Ah ouais. Bah, ça a pas trop changé. Non, ça n'a pas. Bah lui, tout, il était bien années 50. Ouais, ouais, ouais, c'était même sa volonté finalement. Il a bien réussi. Ah mais on est trop fort en fait. On avait pas pensé. On recule tellement sur nous. Pas ton fait. De toute façon, pour taper sur les US, on est là, vraiment, avec plaisir. Vraiment. Du coup, il va vers le sud. C'est très bizarre ça. Bah, clairement, ils vont vers le nord ou vers est vers ouest souvent. Ouais, est vers ouest ou sud vers nord. Mais c'est vrai que nord vers sud, il y en a très peu. Bah justement, nous on innove. Ouais. Et le mec, il veut retourner parce que son pote c'était un Mexicain. Ah mais oui. Voilà. C'est mais alors, Bobby. Il s'appelait pas Bobby, il s'appelait Tacos. Le mec, le truc le plus raciste. Juan, je sais pas, Juan. Bah, le mec s'appelle Juan John. Juan Corogne. John et Juan, finalement. Ouais. C'est le même prénom, mais en espagnol. Et donc, John et Juan, ils étaient potes et tout. Et puis, il meurt à la guerre, Juan. Non. Après un Mexicain mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale, je ne sais même pas si ça. Mais non, mais c'était un immigré. Oui, c'est un immigré qui s'est fait des drafts. Ils ont pris tous les hommes qu'il y avait. Et puis, Ou alors, sinon, il veut retourner comme il avait genre l'amour secret pour Juan. Il veut retourner sur ses terres d'enfance pour tout découvrir et tout. Ah, et oui. Pendant son périple, il va se rendre compte en fait que les États-Unis c'est très capitaliste, tout ça, par rapport au Mexique. Un peu ambiance Brokeback Mountain. Après, je sais pas si un peu, Oui, mais je suis pas Brokeback. Ah non. Oui, mais du coup, je suis pas dans la Mountain. Après, le Mexique dans les années 50, je pense qu'il y a des trucs à critiquer aussi. Hein. Dans pas mal de pays dans les années 50, il y avait. Ouais, clairement. Mais en tout cas, on peut faire ce truc-là où il. Bah, en plus, oui, déjà, plus il va vers le sud, plus il voit un peu le comportement des anciens esclavagistes blancs bizarres. Voilà, il peut faire des rencontres avec des personnages sud, très, qui sont, très très en plus attends on est ah ouais non mais il y a encore des problèmes avec les noirs et tout. Ah oui dans du coup, le il sud il y a encore le part d'où c'est vrai que il part d'où lui aux États-Unis lui. Bah, New York. New York, c'est vraiment du coup il fait vraiment New York jusqu'au Mexique, c'est super long. C'était déjà New York là, c'était pas genre Chicago ou Boston? Ouais, peut-être plus Chicago en effet. Plus Chicago, les années 50, New York c'était là. Chicago c'était le cœur, c'était où il y avait genre tout l'art, ouais, tout le business de l'art. Ouais, mais lui il est pas du tout artiste. Oui, c'est pour ça. Alors, vraiment, l'économie c'est New York. Ouais, la bourse c'est New York. York. Okay, donc il part de la côte ouest en gros. Il va à Tijuana. Est, nord, sud-est, oui. J'ai confondu. Donc il part ouais, de la côte est, ok. Côte est. Donc New York. Vers Mexico. Mexico. Et donc il descend vers le nord, il passe par la Louisiane, le Texas forcément. Non, il est pas obligé de passer par le Texas. Et il est pas obligé de passer par la Louisiane non plus. Je sais pas. Il faut qu'il passe par des États un peu pauvres. Le Mississippi, ouais, la Virginie, la Caroline. Rien que le New Jersey qui est juste à côté, ouais, qui est l'équivalent de la Seine-Saint-Denis de Paris, hein, finalement. Non, mais oui, parce que tout le monde dit que c'est nul, alors que bah c'est la même chose finalement. Les New Yorkais ont une haine envers le New Jersey. Ouais, si vous voulez une idée du trajet, New York Jersey. Voilà. C'est combien de temps? Ouais, un jour et 18 heures. C'est 42 heures actuellement, donc je pense dans les années 50, on tapait peut-être plus, un peu plus. 50, quoi, au moins 60, ouais, peut-être. Ouais. Un mois. Ah, voilà. C'est 3 jours. Un bout de temps. En gros, c'est une semaine, avec le temps de sommeil. Voilà. Une semaine dans la vie d'actuelle. C'est bien que ça dure pas longtemps. C'est rythmé comme ça. C'est vrai que ça dure jamais longtemps, les road movies. Un personnage par jour. Hop là. À chaque motel, hop. À chaque côté. Ouais, mais alors il faudrait qu'il y ait quand même des personnages qui s'accrochent, qui fassent un petit bout de chemin avec lui. Avec lui, ouais. Ah, ça tombe bien, moi aussi j'étais amoureux de Juan. Il part de New York et sa première étape. Alors vas-y, on va se repérer sur la carte des États-Unis. Alors, sa première étape. Ah, moi je la connais par cœur. Hein. Sa première étape, vraiment, ça peut être le Kentucky ou le Tennessee. Et bah il rencontre le colonel. Il fait pas ça en un jour. Hein. Il va arriver en Pennsylvanie, genre. Ok, l'américaine en fait. Ah ouais, mais en fait c'est au pire on fait des un aveu, mais pour me détendre un peu, enfin j'aime bien jouer au jeu genre de replacer les États des États-Unis. Alors moi c'est les drapeaux, c'est d'apprendre les drapeaux. Ah bah voilà, je te laisse faire en fonction de la carte. Les drapeaux, c'est beaucoup plus facile que les drapeaux du monde, pas que. Mais les drapeaux des États, c'est un peu compliqué quand même. Ah, les États, je l'ai pas. Je me suis pas empêché dessus. Ouais, je pense à la limite, il peut arriver en Virginie-Occidentale en un jour, genre. Mais déjà c'est ouais, je sais même pas si c'est faisable. Enfin, il part avec quoi? Il part avec une voiture? Bah, il part en caravane. Ouais, en caravane. Comme un road movie traditionnel, avec, avec un peu ses affaires. Il compte vraiment emporter toute sa vie avec lui. Ça peut être Ah bon? Moi je le voyais genre dépouillé, vraiment, il y va nature, genre en mode. Ouais, il jette comme une tuyauterie, genre il jette son argent, il y va nature, il va genre. Avec un briquet en autostoppeur. Moi je pensais justement si il voulait être agriculteur là-bas, il pouvait y aller en mode je suis dans mon truc. Ouais, mais le truc c'est que ça se fait sur un coup de tête, tu vois. Ok, bah ça peut être une camionnette alors, je sais pas. Parce que s'il laisse tout derrière, je sais pas, il vend tout et il achète une camionnette et il se casse quoi. Non, mais c'est du jour au lendemain, il s'en bat les couilles. Ouais, je pense que alors, vraiment, dans ce cas-là, il est dans un 206, ok. Il prend sa Corvette. Il sort du resto avec la meuf et il y va direct, tu vois. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Il pense. Il en a vite costumé tout. Il commence à faire le chemin pour rentrer chez lui et ensuite il se dit j'ai pas envie de passe devant chez lui et là il fait allez je vais continuer exactement je suis bien dans cette bagnole, elle est tout intérieur cuir mon gars. J'ai la radio, ça peut être ça, genre il se balade, il voit une pub qui lui casse les couilles. Ouais, c'est putain, ça mais c'est bien aussi le fait qu'il soit en costume, tu vois, genre vraiment costume occidental. Non, ça j'aime bien le fait que le mec ait un costume complètement niqué à la fin et à mesure que vas-y filme-moi ton Marcel frérot, c'est ça. Bah, c'est comme dans Thelma et Louise, si je me souviens bien, elles sont un peu en habit genre cowgirl au début et à mesure que le film avance, c'est à la fin. Bah, Thelma et Louise, c'est prévu qu'elles partent du coup. Oui. Mais elles partent même. Je crois que c'est Louise, elle emmène toute sa maison et t'as Thelma qui lui fait mais non, mais ça sert à rien, prends juste genre un maillot de bain et des vêtements et on y va, tu vois. Ouais. Et non, elle part pas du tout en habit de costume ou quoi, elle part vraiment en habit. Non, mais je veux dire, genre en mode, elles sont un peu habillées très tradition américaine, tu vois, un peu cowgirl. Ah oui, elles partent en talons, en bottes et tout. Et à mesure que ça avance, genre, il y a même une scène, je crois, où leur chapeau il s'envole, quand elles s'émancipent vraiment et tout. Donc il y a aussi un truc ça sur le costume qui se déchire. Ah oui, le costume représente carrément l'état d'esprit. Ouais, oui. Donc là, il parle en. Vu que c'était fait beau pour la meuf et tout, il part en costard, tu vois. Et là, du coup, il s'en va. Ouais. Il fait une première étape, on va dire. T'as dit Pennsylvanie. On peut dire qu'il quitte un peu ce monde très urbanisé, très pub, très. Pour aller justement vers déjà ce côté plus les grands espaces. Très. Plus grand. Ouais, laissez-moi siffler. On retourne chez Jamie. Merde. Non. Je suis pas très sifflé. Ouais. Non, mais oui, et du coup, il commence déjà à voir un peu ce que c'est la nature. Et en fait, putain, je prends une petite claque là quand même. C'est donc un arbre. Incroyable. Bon, j'abuse un peu, mais vous avez compris. Oui, bah, de toute façon, c'est l'état d'esprit. Et du coup, il peut rencontrer l'herbe. Oh la découverte. Oh les arbres, c'est beau. Jeune boxe l'herbe. Et voilà, et il tombe sur un agriculteur ou un éleveur et il voit un peu déjà ce qui se passe. déjà ils ont appris ce qui se passe dans son monde. Ouais, en discutant avec vraiment les producteurs de produits que lui il achète après. C'est vraiment très très discussion 2000 tellement 2022 quoi. C'est énorme. Non, mais il se rend compte genre de la chaîne, de la production. Ouais, ouais. Pas lui qui est vachement trading. Il est en mode. Le business. Ce n'est pas des chiffres. Et du coup, là, il fait un premier étape dans un motel. Voilà. Ouais. Un premier motel. Voilà. Et là, il faut qu'il rencontre un personnage farfelu. Oui, mais pas trop. Pas non, c'est trop. Le début, ouais, c'est le début. Pas trop non plus. Là, il rencontre pas une hippie, mais tu sais, une. C'est pas l'époque, c'est un hippie. Pas encore, mais il y avait des vagabonds. Justement, et puis en fait, ça vient après la guerre du Vietnam en mode peace and love. Du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas encore vraiment. Bah, le début de la guerre du Vietnam, il y avait déjà. Au début, je sais pas. Hein. Mais peut-être. Bah, quelqu'un peut-être qui a il y avait juste des gens qui étaient contre. Il y avait vraiment des gens qui étaient contre, mais c'est pas des hippies non plus. C'est genre juste des gens qui manifent. Enfin, mais voilà. Mais ouais, peut-être. Non, mais quelqu'un dans ce genre-là. Ouais, quelqu'un. Ouais, peut-être, peut-être justement ce précurseur en fait. Ouais, ouais. En mode, le hippie gars, originel. Pourquoi vous allez faire la guerre là? C'est François Cluzet. Avec la voix et tout en plus. Mais là, les mecs, vous avez la guerre. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Du coup, il s'assoit au motel, il fume un peu de beuh avec cette personne-là parce que c'est des hippies. Ah oui, évidemment, il faut de la beuh. Non, mais justement, au début, il est genre. En fait, ils sont tous les deux seuls dans le motel. Le entre guillemets hippie vient l'approcher et il dit, putain, mais c'est quoi cette odeur là? Je suis en train de m'effuyer un truc là. Et justement, ça peut. Ouais. Et justement, ça peut être ce personnage-là. Allez, pourquoi pas. Lui, pour le coup, il peut vraiment essayer. Enfin, lui, il fuit vraiment la guerre du Vietnam, pour le coup. Ça peut être vraiment en mode, il y a quelque chose de plus abouti comme projet. Moi, là, mon gars, je me casse, quoi. Ouais. Et du coup, il découvre cette facette un peu là du début du mouvement hippie. Ouais, ça peut être sympa, ça. Ouais. Très sympa, ouais. Du coup, là, il se rend compte que... Enfin, c'est pas il se rend compte, parce qu'après, il est déjà anti-guerre à cause de ça, mais il se rend compte de ce qu'il y a derrière le concept de l'anti-guerre, c'est-à-dire le pacifisme, le partage, la solidarité. Il se rend compte que la guerre, finalement, c'est... que pour l'argent et pour le pouvoir. Oui. Puis lui, déjà qu'il est un peu en backstage de ça, il se rend bien compte que vraiment la guerre. Bah, surtout le Vietnam, pour le coup, surtout la guerre du Vietnam. C'est très pour garder des territoires, c'est grave. Donc, C'est le soft power. Bah, justement, il peut y avoir un moment un peu colonialisme. Hein, puisque c'est surtout. Mais ça, c'est quand tu rentreras des minorités. Oui, ça sera au prochain stop. Exactement, au prochain stop. Donc là, mais du coup, il a découvert. Qu'est-ce qu'il a appris avec ce personnage? La beuh. La beuh, déjà. La beuh. Oui, et que la beuh sert à s'échapper de situations comme la guerre. Et exactement. S'évader. Et t'as le hippie qui lui en donnera un petit peu parce qu'il est gentil. Oh, comme ça, il pourra gentil. En fumer c'est le pour ton C'est trop bien. Genre, à chaque stop, il garde un petit souvenir à chaque fois. Et là, le souvenir de celui-là, c'est un pochetard. De l'addiction, vraiment. Il va crever. Ou alors, c'est un kleptomane, le gars. C'est un des deux. Non, mais en plus, c'est très cinématographique. Tu vois, les trucs dans un motel, il fait nuit, il y a juste une petite cigarette. Ouais, c'est avec l'enseigne, les néons, qui clignotent un peu, c'est ça. Ouais. Genre, il y a marqué motel sans le E du coup. Mais juste, ouais, ça. Motel. Ok, oui. Très bien. Bah, il repart le lendemain, un peu défoncé, mais il repart. Et là, il se dit. Enfin, il se dit rien d'ailleurs. Il roule. Puis on peut penser qu'il commence à. Country. Voilà, il se fait bien. Et puis on peut penser qu'il commence à arriver vraiment dans un peu le Texas, le moment un peu. Ah, le Texas, c'est dans longtemps. Ah, c'est loin. Ah, ouais. Ah, oui, tu vas passer vraiment en plein milieu d'un coup. En Virginie, en Caroline, un truc comme ça. Moi, je trouve ça bien. La Caroline, ça peut être bien parce qu'il y a eu. Bah, c'est tous les États. Enfin, là, du coup, c'est tous les États un peu qui ont fait part de la guerre de sécession et tout ça. Donc, du coup, ils sont encore très marqués par les guerres, par l'esclavagisme. Il peut rencontrer le Ku Klux Klan, en fait. Oui, bah, non, mais c'est ça, évidemment, c'est ça. Genre, par le KKK. Il n'y a pas rencontré un mec du Ah, c'est quoi tes vues sur la vie? Ça m'intéresse un petit peu. Ah, mais oui, mais attendez, mais il peut. Attends, je mais sais pas. Mais si... ça peut être ça. Il peut rencontrer du coup un je sais pas, genre, tu sais, les minorités afro-américaines. Ouais. Qui sont un peu. Mais surtout pas que... bien dans leur état parce que justement, il y a le caca, quoi. À ce moment-là, c'est. Le caca. Le caca. Enfin, le moi, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. Désolé si ça choque, mais pour moi, c'est le caca, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était Martin Luther King, Malcolm X et tout? C'est plus tard? C'est, alors ouais. Martin Luther King, c'est, soit, c'est vraiment c'est les années 60, c'est okay. 68. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Donc, ah c'est, oui, donc c'est bien plus tard. Mais par contre, non, ouais, même pas Malcolm X. Non, c'est, non, non, là, c'est vraiment. Davis, c'est tout, c'est non, c'est, non, c'est vraiment après. Okay. Ah bah, c'est au début des Black Panthers. Il va rencontrer Malcolm X. Le jeune Malcolm X. Oui, le jeune. Avant qu'il devienne. En vrai, je sais pas, mais ça peut être. Après, pour voir si c'est cohérent, mais. Mais oui, oui. Non, mais on s'en fout. C'est un film. Ouais. On n'est pas une approximation historique. C'est vrai, c'est vrai. Bah, mais en tout cas, il peut rencontrer un jeune 25 Malcolm X au Nebraska. Donc, ouais, donc il a son âge. Ouais, il a 30 ans. Ouais, il a le même âge. Non, mais oui, oui. Bah oui. Littéralement le même âge. Okay. Allez, vas-y, le deuxième, non, deuxième stop, il rencontre ça Malcolm X. Ouais. Voilà, il peut rencontrer au moins un activiste noir. Non, non, Malcolm X. Malcolm X. Okay. Parce okay, qu'à la fin, il y aura un résumé genre nanana est devenu je sais pas quoi. Ah, ouais. Est devenu je sais pas quoi. Et lui, Malcolm X est devenu Malcolm X. Okay. Donc Malcolm X est quand même plus jeune que lui, du coup, à ce moment-là, puisque Malcolm X est né en 25 et mort en 65. Oui, il avait 30 ans. Il avait 39 ans quand il est mort. 30 et 40 ans. Donc ouais, il a genre peut-être. Ouais, il a 29 ans à ce moment-là. On est en quelle année exactement? On est en 55. 55, ouais. 55, on a dit, ouais. Et bah, du coup, Malcolm X dirige et t'as Harlem à New York. Donc, ce n'est pas possible à ce moment-là. Ah, zut. Non, mais il est en voyage d'affaires, c'est bon. Qui. On n'est pas. De toute façon, c'est un récit initiatique. Non, mais oui, initiatique. Ça peut être un moment où il va visiter une communauté locale. C'est un récit initiatique. Voilà. Oui, on a le droit de dire qu'il est. Non, mais ça peut être dans Malcolm l'esprit. Il s'appelle pas forcément Malcolm. De toute façon, il s'appelle pas Malcolm X à ce moment-là. Mais par contre, non, par contre, en vrai, c'est le début des mouvements. Ouais. Des mouvements. C'est vraiment une époque de libération de la parole. De après, après, bon, après, les civil rights, c'est depuis la fin de la guerre de sécession. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le début de l'histoire. Du coup. Donc okay. En vrai, oui, ça peut être un activiste afro-américain. Voilà, du coup. Voilà. Du coup, ça peut être son deuxième rendez-vous finalement. Mm-hmm. Non, mais c'est pas rendez-vous, c'est genre. Rendez-vous, oui, non, bien sûr, rencontre, excusez-moi. Il est au bar, genre un truc basique, tu vois. Là, il est au bar avec un homme noir, c'est la première fois qu'il en voit un genre de si près. À New York, je pense qu'il y en avait quand même, j'espère. Oui, c'est vrai. Mais non, je sais pas, il peut y avoir une embrouille dans le bar, un peu en plus à cause du. Ah ouais, genre c'est un mec, ouais. Un autre mec blanc qui vient emmerder Malcolm X. Ouais. Et l'autre prend la défense parce qu'il a pas vu que l'autre était noir. Ouais. Et donc il se dit, bah, pourquoi tu l'emmerdes et tout. Et là il voit qu'il est noir. Ah emmerde-le, vas-y, emmerde-le. Ouais. Alors, je suis quand même pas d'accord, hein, mais bon. Ouais, mais ça pourrait être genre la première fois de sa vie que Jaune Connard, du coup, comment il s'appelait, qui l'ose. Partir en confrontation avec quelqu'un, tu vois, alors. Parce que là, il en a vraiment rien. Là, il en a rien à foutre. Il est en mode, pourquoi tu te mets à ses côtés de la société? Il a pris le côté hippie des... Les gars, one life, quoi. Ça, par contre, ça peut être super drôle s'il arrive comme ça. Et yo, on les live, what? Non, mais en plus, depuis la veille, il s'est fait des dreads. Enfin, c'est un blanc à la prends ce pétard, man. Appropriation culturelle. Bah oui, surtout en parlant de ça avec mon comics. Ouais, tu m'étonnes. Enfin bref, il vient en aide à Malcolm qui se fait un peu emmerder par l'autre gars. Ouais, Malcolm, il dit, j'ai pas besoin d'un blanc pour me sauver. Ouais. Il est un peu vénère et tout. Ouais. Mais ouais. Ils arrivent quand même à se parler tranquillou. À s'échanger d'où ils viennent et tout. Ouais, à la limite, Jaune Connard, il lui dit, bah vas-y, viens, je te ramène, je passe par là, tu vois. Genre, et du coup, ils font un bout de route ensemble. Exactement. Ouais, et là, dans la voiture, ça fait un peu, du coup, toi, tu viens d'où, etc. Et lui. Malcolm X, il lui explique tous les problèmes des Noirs américains, etc. Mode, je me rendais pas compte à New York. On n'en voit pas beaucoup. Ouais, c'est... surtout chez les traders, je pense, à cette époque. Mais je pense que quand t'es blanc à cette époque, t'es absolument pas amené à te poser ce genre de questions. T'es en mode, c'est normal. Oui, du coup, il peut prendre des grosses claques. Prendre du recul, vachement. Quand même. C'est vraiment une déconstruction, finalement. Ouais. Surtout que genre, il lui fait plein de parallèles en mode, imagine, mets-toi à notre place et tout. Et les dit, c'est vrai, c'est puissant. et après, voilà. Et là, il se rend compte que il y a pire que sa situation, forcément. Ouais. Et il commence à apprendre l'empathie. C'est un peu comme une capacité d'un Pokémon. Là, il apprend le CT301, empathie. Et il commence à se mettre un peu à la place des autres. Ouais, parce qu'à la limite, Malcolm X, il peut lui dire « Bon, bah, vas-y, je m'arrête là et tout. » C'est chez, je sais pas chez qui il est. Ouais. Et il dit « Bah, vas-y, viens à la maison et tout. » Et après, du coup, Jaune Connard passe la nuit chez Malcolm X. Ouais, bien ça. Ouais, et comme ça, dépend de Malcolm X. Ouais, voilà, il y a toute sa mif et tout. Sa mif, ouais. Et il l'accueille comme un roi, finalement. C'est Thanksgiving, voilà. Ah ouais, il est vraiment parti au bon moment, quoi. Non, et puis puis il apprend plein de trucs, il a des discussions un peu profondes et tout à ce moment-là. Et puis il apprend encore un nouveau truc et Malcolm X lui donne, je sais pas, un badge, voilà. Et... un badge. C'est un scout. Voilà, un pins. Malcolm X est un scout, finalement. Un pins. Tu es un ami. Non, mais ouais, je sais pas. C'est les badges des arènes Pokémon. Du, non, mais il lui donne un stickers. Voilà. Un bon point. Oh, non, il lui donne à manger, du coup. Bah si oui, il mange, lui donne... il donne de la nourriture. Non, mais il va lui donner des connaissances. Et ça, c'est plus fort que tout. Putain, non, de la lecture. Non, mais il lui donne un bouquin, voilà. Il lui donne de la lecture. Ouais. De son bouquin préféré. Mais il faut un bon bouquin un peu bien engagé et tout, genre. Et il lui donne une cassette d'un bon blues, tu vois. Il va écouter en boucle. Il lui donne du Louis Armstrong. Parce qu'évidemment, il a un lecteur radio cassette. Mais bien sûr, à la pointe de la technologie. Dans sa corvette. New York ou quoi, là. Et puis. Jazz bar, nickel. Puis là, peut-être qu'on lui fout. Donne un peu des nouveaux vêtements parce que wow, le costume il commence à puer. Oui, sa oui, mère. Bah ça après. L'odeur de la voiture quoi. L'odeur du gars. Ok, bah. Toi, t'es bien sympathique pour un blanc, mais tu pues. Enfin, désolé de te le dire comme ça. Mais... Ouais. Et là, il lui donne. Bah, il lui donne quoi comme, des habits normaux Oui, donc ça peut être bah, justement des habits un peu. Je sais pas, un peu plus décontractés, genre un tout petit peu plus décontractés. Ouais. Ouais, genre non, des carrément. Ouais. Des chaussettes funky. Non, mais ça peut s'alléger puisque plus il avance, plus il fait chaud, plus ça devient le Mexique. Quoi. Ouais, ouais. Il peut y avoir ce côté-là, en plus avec les couleurs. Là, c'est une chemise peut accompagner très cinématographique du coup. Une chemise un road movie, ça peut. C'est vraiment intéressant cinématographiquement parce que c'est un déplacement et du coup, voir le monde changer et le personnage changer avec. Tout est très visuel, quoi. Tout est voilà, très exactement. Et plus on va vers le Mexique, plus il y a un gros filtre jaune. Ouais. Bien sûr. C'est y a les vagues de chaleur sur les grandes. Ouais, vraiment. Comme ça. Et donc il part de chez Malcolm. Et là, il s'écoute la petite radio cassette. Et il a bien mangé, bien dormi. Et à chaque fois qu'il prend un peu la route, il peut avoir un peu son flashback, peut-être de la guerre ou de sa vie d'avant. Attends, mais quand il se rend compte ça, à quel point. Non, ça, c'est la nuit quand il dort, quand il s'endort comme ça. Ouais, il se réveille comme ça, genre en sueur. En sueur. Ouais. Ça me fait vraiment penser à OSS 117, genre. Jack, t'es mauvais. Oh, tu m'as pété les yeux. Après ça. Mais c'était un peu ouais, marrant. Et ce sera John. Juan. Juan. Comment on dit en espagnol? T'es mauvais. Donde esta? Tu es mala. Enfin, ça veut dire t'es méchant, mais. Ouais. Voilà quoi. Voilà. Énorme. Ouais. Puis là, peut-être qu'il se retexte. Non, je sais pas. Enfin. Là, peut-être Géorgie, quelque chose comme ça. Ouais, mais oui, on peut dire Texas, hein, franchement. Ouais. Et moi, ce que je trouverais bien. Il continue trop dans les continents un peu. Enfin, trop pareil, tu vois. Il faut vraiment un truc qui le coupe d'un coup. Ouais, genre. Oui, bah, Texas, hein, en soi. Et ce que je trouverais bien, c'est que. Bon, il n'y a quand même pas eu de fille depuis tout à l'heure. Moi, je trouverais bien qu'on dirait qu'il y a une femme. Ah, mais oui, et ce serait bien qu'il y ait un enfant, genre. Ouais. Une femme et son enfant. Une mère célibataire avec son gosse. Ouais, qui a perdu son mari à la guerre. Hop là. Oula. Voilà, on est du côté Mississippi, Louisiane, Texas. Ouais, c'est ça. Ou alors, il est au Mississippi, Louisiane et du coup, genre une femme. Mais tu sais, c'est un peu les trucs des artistes là, du coup. Du coup, genre, ça va être une femme un peu artiste qui doit. Un peu émancipée. Ouais, c'est un peu émancipée et tout, tu vois. Porte des pantalons. Ouh. Pour l'époque, je suis désolé, mais. C'est pas mal, ouais. Ouais, bah oui, non, mais tout à fait. Peut-être qu'il peut rencontrer une avec une, ouais, je sais pas, son ouais, enfant genre, qui est là. Ouais. Parce que je trouve que les enfants, ça donne vraiment une perspective naïve et insouciante. Et vraiment, genre, en point de vue, c'est toujours méga intéressant. Tu dis, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi il y a la guerre au Vietnam? Ou alors, justement, il voit une personne plus âgée qui a perdu. Justement, le bébé, enfin l'enfant, désolé de te couper. L'enfant, il est genre hyper raciste et il a conscience de. Il est genre hyper méchant, genre il est pas du tout insouciant. Il dit pourquoi les Viet Cong ils sont méchants et tout. Pourquoi les Viet Cong ils veulent me tuer le soir. Mais justement... Pourquoi ils mangent des enfants. C'est tous les trucs hyper racistes qu'il racontait. Étant donné que c'est une mère célibataire un peu indépendante, on peut imaginer que son mari est justement parti au Vietnam. Ouais, justement à ce moment-là et qu'elle est en mode bon bah voilà on se débrouille là. Ouais. Je vais faire cette voix pour tous les personnages. C'est l'inverse, c'était une femme un peu plus âgée qui a eu un enfant assez jeune. Ouais, ouais. Et c'est son fils genre, qui a genre 20 ans, tu vois, et qui est parti là et elle s'est passé. Et elle a genre 45. Ouais, c'est ça. Elle a l'âge du gars, quoi. Ouais, mais ça, c'est trop triste. Non. Mais non, mais c'est pour ça, comme ça, elle a l'âge du gars, comme ça, il y a un peu une, un fond de romance, on me dit, reste quelques jours ensemble. Ouais, ah ouais, mais c'est mais là mais elle a perdu, il... parce qu'elle a perdu son, son mari à la Seconde Guerre mondiale. L'homosexuel, c'était le but du début. Ouais, mais justement, bah, du coup, là, oublié, pas si homosexuel que ça, il a oublié qu'il était gay. Ah putain, il est un peu pis, genre. Mais non, mais ça peut être ça, genre, en mode, il essaye, parce que voilà, mais en fait, il se rend compte que vraiment, c'est pas pour lui, quoi. Et du coup, il se quitte comme ça, genre, en mode, je suis désolé, ça. Ah, mais il se rend compte. C'est pas toi, c'est moi. T'es la personne qui me correspond le plus, mais. En fait, je suis vraiment. Ouais, je suis vraiment. Je peux plus mentir à moi-même. Je vais là, pas dire terminé. Le mot parce que voilà. Mais ça fait un peu penser au. Comment ça s'appelle au politique dans Licorice Pizza, un peu. Au politique. Ouais, Ah oui. Licorice Pizza. Ouais. La mère, on dit qu'elle a. On bah, qu'elle a 15 ans de plus que lui, voilà. Ouais. Et c'est pas grave. Mais donc, grosse, grosse mille du coup. Bah oui. Mais non, mais il n'y aura pas de romance, il n'y aura pas de sexe, voilà. Ouais. C'est une amitié profonde. Oui, c'est une amitié profonde. Et pas profonde dans ce sens-là, espèce de gros dégueulasse. Donc, la mère, elle a 15 ans de plus, voilà. Ouais. C'est très naturel, on n'entend pas du tout le cut au montage. Voilà, donc amitié classique, pas de romance. Et elle va lui apprendre quoi sur la... Parce que elle, du coup, elle a un gosse. Bah, un gosse sinon, qui on peut a faire la mère. Non, mais du coup, après, ça peut on pourra faire. Sinon, on peut faire les deux. De toute façon, il faut plus de femmes. On va pas mettre une femme dans. Ou alors, c'est son petit-fils, tu vois. Ouais. Enfin, okay. Ou alors, c'est juste un gosse qu'elle a recueilli, justement. Ça... Non, ou alors, elle a un gosse à la guerre et elle a un gosse qui est là. Point, voilà. C'est... ah, son gosse à la guerre. De bien d'un coup, elle a deux gosses et voilà, il y en a un des deux qui est pas là. Ok, son gosse à la guerre, putain. Non, mais juste. Ouais, mais on a déjà parlé de la guerre du Vietnam, donc faudrait qu'on parle d'autre chose. Mais non, mais ça peut ouais, être. Mais là, justement, on parle d'une femme indépendante. Ah oui, d'accord. Genre, oui, on n'a pas le fait que. Oh là là, mon fils est non, oui. Mon fils fait la guerre, ok. Et du coup, l'enfant qui est là va être un peu en mode genre. Mais maman, arrête Non, justement, ça va être l'inverse. Au début, il a peur, et en fait, il se rend compte qu'il est un peu gentil, l'homme, et du coup, ça va être un peu genre, c'est la figure paternelle. Du coup, ils se transmettent un truc tous les deux, tu vois. C'est vraiment le genre de truc où en deux jours, ils se construisent un truc de malade. Ouais, putain, merde. Bah, grave. Non mais oui, mais la femme, je la vois bien, ouais, très émancipée, libération. Moi, je reviens sur l'idée qu'elle porte des pantalons, truc du genre. Moi, je reviens sur l'idée qu'elle porte des pantalons. Mais tout à fait. Et elle peut être éleveuse ou un truc du genre, éleveuse de chevaux. Mais non, c'est ouais. Si éleveuse, parce que justement, ça le rapproche de son truc de il voulait être éleveur de tacos. Ça le conforme dans son truc. Éleveur de tacos. T'as envie d'une saucisse quoi. Tacos saucisse du coup. Ça va du tout. Et ouais, et puis ouais, il y a ce côté-là où il se rend compte que ça se rapproche de ce qu'il veut faire, et elle lui apprend plein de trucs en mode sur comment se démerder tout seul en oubliant le monde de la finance. Il se dit putain, mais c'est un peu compliqué. On peut faire autrement. Voilà, ouais. C'est le message qui va. Voilà, ça peut le conforter à mort dans son projet, dans son idée de voilà, et elle lui apprend plein de trucs un peu sur l'élevage, l'agriculture et tout, et ça peut être vraiment un peu en mode initiatique. Comment bien retourner à la terre. Et il peut rester finalement plus d'un jour. Ça peut être sa première grosse pause. Où il est en mode bon, cette fois, je reste un jour de plus. Je pense que ça peut être utile. Tu vois. Ouais, pas mal. Comme ça, il dort toute la journée. Voilà. En fait, il n'aura rien vu finalement. La sieste. Putain, écoute, et puis voilà. C'est beau. Ouais, okay. Moi j'aime bien le. J'aime bien le voyage. J'aime bien le fait que. Et évidemment, il partage un petit. Voilà. Un petit contenu du poche-tard, tu vois. Ah exactement. Oui. Un petit pétou. Of course. Ça va être le fil conducteur du film. Avec l'enfant. Avec l'enfant de bah, l'enfant. À l'époque, il fumait à 13 ans. Donc, une petite taf. Voilà. Ouais. Allez, tiens, ça te fera du bien. Et le gosse est complètement déçu. Petit moment d'humour. Ouais, il faut qu'il y ait un moment un peu touchant où il regarde le gamin. C'est un peu bizarre, mais. Il regarde le gamin complètement touchant, pété à la bœuf. Ouais. Cette phrase déjà, putain. Et il est en train de faire des conneries un peu comme je me demande si ça passerait ça un gosse qui fume oui. Oh ça passe tu tout fais passe. Produire par A24 ou un truc voilà ça passe. De toute façon ce serait un film d'auteur mais c'est vrai qu'on voit enfin je ne vois jamais ça enfin, non mais un enfant qui fume de toute façon ce serait un film d'auteur donc qui fume mais ça mais genre bah dans Léon Nathalie Portman elle fait que filmer dans les films alors qu'elle a 13 piges dans Madman dans Madman bien sûr la gamine dans les qui est d'ailleurs une actrice incroyable qui joue maintenant Sabrina dans la série Netflix. Mais son rôle dans Mad Men est mieux, je trouve. Oui, ah oui, il joue très, très très très bien. Et qui fume des. Oui, des. 13, genre, ouais, 13 ans. Ouais, bah, un peu comme Portman dans Léon. Ouais, bah, ça se trouve, il fume souvent en fait. Mais ils fumaient tous à l'époque. Ils fument en cachette. Parce que sa mère est très. Genre, le mec est mort d'un cancer à la guerre. Il fait des petites cachotteries. Tout le drame, genre. C'est terrible quand même. Il est mort d'un cancer à la guerre. Genre. Mais ça veut dire qu'il s'est fait. Il était sous perte là-bas. Il était vraiment dans un très mauvais état. Ouais, bon, on a vraiment personne. Ou quoi. Ils l'ont débranché. Tu vois, tiens, il prend une AK là. Non, tu es un peu. Ok, un peu ouais. Un bout de... C'est vraiment la double peine. Ok, ouais. Donc, du coup, il y a aussi ce parcours initiatique dans sa tête où il sort de sa zone de confort. Et ça le conforte dans son truc. Voilà. Ah, mais du coup, ouais, la scène de... où il voit le gamin s'amuser, ouais. Et tout. Et là, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Ils sourient en se regardant. Et là, il réapprend un peu à vivre. Tu vois. Ouais. Il dit j'avais pas vécu ça depuis Juan. Oh. Ouais, non, mais c'est vrai que peut-être. Son... c'est un peu glauque du coup. Genre, non, mais c'est juste un enfant de 13 ans. Genre. Mais non, mais. Ouais. Avec la mère. Ouais. Ah, ok. Il regarde l'enfant. Non, sinon, ils vont danser. Genre, c'est la scène de danser. Il y a toujours une scène de danse. Ah, comme ils vont danser au milieu comme ça. Un peu collé serré, tu vois. Ensuite, ils font. Ça me rappelle les moments. Plus, plus calme dans la guerre. Ouais. Où on dansait enfin tous ensemble. Il a peut-être enfin un flashback qui est pas cauchemardesque. Peut-être. Ouais. Il est enfin un peu apaisé, quoi. Où il faisait la valse, il faisait tourner Juan en faisant une valse. Ouais. Ah non, ça peut être super pas de danse. Quoi. Non, mais de la continuité en plus de ce qui lui arrive avec tous les gens qu'il rencontre. Voilà. Faudrait bien qu'il rencontre un connard à un moment quand même. Oui, bah bien sûr. Bah ce sera le dernier justement où c'est un mec qui est comme lui avant le voyage initiatique. Et là il va se rendre compte de putain j'étais un mec ça. Au Mexique, et là il le tue. Il y a vraiment tout le café. Hop là il le surine. Il le surine comme ça. Il y a vraiment tout le monde café. Ça peut être une sacrée dernière étape en effet. Écoute. Du coup. Il faudrait peut-être aussi un personnage gay qui lui prouve que c'est pas grave mais qu'assume-toi genre. Oui, possible, ouais. Ça va être le c'est une communauté un peu genre. Ouais, la les minorités. Ouais, elles sont mais ils sont peut-être genre, dans effectivement un truc avec des dans la cambrousse, c'est tout perdu où ils sont exprès entre guillemets reclus pour pas la secte quoi. Ouais. Non, peut-être pas une secte. Ils rencontrent Paul et tout. Enfin, l'original. Voilà. Non, mais oui, en tout cas, ouais, il peut effectivement tomber dans un truc là. Après au Texas, c'est très peu. Ouais. Justement, au Texas, c'est le vieux conservateur. Non, mais il y en a forcément quelque part. Enfin, il y en a forcément partout des gens LGBT, mais là, ils sont forcés, entre guillemets, encore plus que dans les autres États, d'être reclus dans leur, entre eux, où ils foutent la paix à tout le monde et tout le monde leur fout la paix. Genre, dans l'Alabama. On était au Mississippi. Et du coup, là, il continue Texas, il est. Texas. Il y a Houston. En fait, il y a Houston, donc on peut dire que. Houston, il y a genre une. Un bar gay, genre les Houston Rockets. Ouais, mais c'est pas mal aussi que genre les personnes qui sont gays là-bas, elles se cachent pas, mais au contraire qu'elles soient émancipées et que genre elles l'affirment, alors un peu insouciant, tu vois, genre. Bah, du coup, c'est si un on est pas au ça, Texas, par contre. Ouais. Oui, mais ça peut être au Texas, mais c'est genre les gars, genre à la limite, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, il dit hey, sale pédé, et l'autre il dit va te faire foutre. Super pour la story, ça. Les gens qu'ils s'assument, quoi. Et du coup, là, jeune connard dit genre ah ouais, mais en fait, c'est. Enfin... On n'a pas beaucoup prononcé son nom, mais. Il est pépite. Et il dit ouais, bah en fait, on peut être émancipé, et voilà, quoi. Et du coup, il va se dire c'est ce qu'ils vont faire. J'aurais pu avoir ça avec Juan. Ouais. Ouais, mais il peut complètement, à ce moment-là, lâcher prise. Ça. Au début, il est complètement coincé avec ça. Voilà, il fait. Enfin, du coup, on voit pas. Mais genre... le poignet cassé. Là, son poignet passe de droit à 90 degrés. Ouais. Puis, non, mais ouais, désolé, il fume un peu et là, ça le décoince. Les premiers moments, il est vraiment libération du corps, tu vois. Genre. Ouais. Déjà, il a dansé un petit peu avec le gosse avant. Ouais. Alors qu'au tout début, il danse pas avec la mère. Non, il danse avec la mère. Ah, avec la mère. Non, moi, la scène que je me disais, c'était la mère est jaune. Ils sont côte à côte sur le porche de la maison, je sais pas. Ouais. Oui, comme ça. Et le gamin il s'amuse au loin. Ah, et oui, lui, okay. Eux ils se regardent. Ouais, ils regardent le gamin en mode l'insouciance. Ouais. Il peut danser avec le gamin en mode il est un peu concon. Il fait le voilà. Et moi dans ce rôle je vois tellement Viggo Mortensen en fait. Ah ouais. Bah, à cause de Green Book. À cause de Green Book. Ouais. À cause de Aragorn en fait dans le cinéma. Bah ouais, c'est parce que je me suis fait un marathon cinéma le week-end dernier donc. Ah, il y a des chances de Viggo Mortensen. Il a plus l'âge. Moi je vois bien genre Benedict Cumberbatch ou un truc comme ça, tu vois. Genre un qui a vraiment peut avoir vraiment une tête rigide. C'est ça, parce que Viggo Mortensen il a pas le. Enfin, je trouve que je l'adore, mais il a pas le truc c'est de trailer, tu vois. Alors que ouais, genre Cumberbatch ou genre même. Je sais pas, genre. Kylian Murphy, un bail comme ça, tu vois. Genre Kylian Murphy avec vraiment son regard un peu perçant. Un gars un peu magnétique, genre. Ouais, tout à fait. Bah, enfin, bref. Ouais, donc on disait à mesure qu'il avance aussi dans son voyage, son corps se libère, genre il bouge plus, quoi. Alors qu'au début, il était tout rigide. Ouais. Ça peut être une idée. Oui, oui, clairement. Ouais. Ouais. Non, mais même sa posture, enfin, au début, c'est quand tu prends la route, tu peux être comme ça, et après, vraiment, vraiment très. Les mains à 10h10. Et à la fin, tu peux être vraiment en mode. Ouais. Avec le pétard, tu sais, avec le pétard dans la même main. Non, non, non, dans la même main. Non, mais il a racheté une bagnole. Il a racheté une bagnole, c'est une lowrider. À la fin, il a la même dégaine que le mec qui lui a filé la baie au début. Il est en mode yes. Non, il a un mélange de toutes les dégaines. Ouais, bon, ouais, de haut. Et du coup, il rencontre. Enfin, il voit. Ça, il se balade dans Houston, on a dit. Mmh. Ouais. Et là, il voit qu'il y a certaines personnes qui sont très extravagantes. Il s'intéresse à ces gens-là. C'est la folle qui est là. Il découvre que c'est des gens gays, lesbiennes, ça. Et ou alors, je dirais dans un bar. Et genre, le soir, il y a genre des dragues. Oh, il tombe sans faire exprès. Et ouais, alors, ça, ouais. Il tombe sans faire exprès et c'est là où il se rend compte. Je me demande si à cette vois. Époque. Bon, après, on pourra dire que c'est clandestin, c'est pas grave. Non, mais bien sûr, non, mais tu sais, genre, justement, dans la journée, là, Houston, c'est très conservateur, très blanc, très armé, tu vois, genre voilà. Et le soir, il va dans un bar et en fait, il se rend compte que c'est pas que ça, finalement, le Texas. Ouais, puis là, il voit peut-être un moment où il y a même des noirs et tout. Il y a un mec qui ressemble à Juan. Un truc où les mecs se cachent. En fait, c'est hyper mix, genre, on dirait un bar d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, grave. Là, bah, c'est les précurseurs, de toute façon, c'est vraiment ce et là, il se dit, oh, putain, quoi lui prend, pourquoi je suis dans les années 2010, lui prend une claque. Mais... attends, je suis en 2021 ou quoi. Lui est en mode, mais ça, c'est impossible normalement, tu vois. Ouais. Et c'est puis, slash, il apprend à slasher. Ouais, bah, il fume, et là, littéralement, ses articulations commencent à se déconcer. Ouais. Ouais. Et y a après, tu sais, il y a la fameuse scène sur la piste de danse. Il fait tout seul, il y a genre tout le monde qui le regarde. Avec des Il faut qu'il danse comme dans Pulp Fiction. What a night. Et il y a un homme qui arrive. Comme ça, c'est face à lui, il fait non, désolé, je suis en trauma. Non, désolé, je suis complètement hétérosexuel à partir de ce moment du film. Peut y avoir une scène très floue où il danse en plein de gens. Il y a toujours ça un peu au ralenti. Ouais. Il est trop heureux et tout. Ça va être la scène à la Xavier Dolan. Fais-toi exactement. Plaisir, exactement. Avec la musique un peu électro derrière. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, puis après, il se réveille, il est cul nu sur le sol. Moi, j'aimerais bien que, justement, il a pas de sexualité, ce gars-là. Enfin, moi, je disais parce qu'il avait trop bu, qu'il avait fait. Pas qu'il avait forcément quelqu'un, tu vois, mais. Je me doute bien. Mais. Ah oui, ok, oui. Genre, qu'on n'ait pas à se poser la question, genre, voilà, juste il est comme il est. Et... Ah oui, non, on le comprend, mais on s'en fout un peu. Oui, en fait, ça, c'est tout le film, on comprend sa relation un peu ambiguë plus, avec un homme et tout. En plus, c'est jamais montré. S'il faut que ça sorte aux États-Unis, il faut que ce soit ambigu, mais pas plus. Ouais, c'est ça. Genre, il peut pas être dit comme gay, parce que sinon, ça va être cut par Disney. Oui, non, carrément. comme tous les trucs de Pixar. Ouais. Non, mais voilà, bon, il peut se réveiller un peu avec une petite gueule de bois quand même. Ah oui, en tout cas, c'est un fêtard à pétard maintenant. Le soleil tape fort sur Houston. Il fait chaud. Avec la vague de chaleur, c'est le matin. Il y a les rues désertes avec les petits trucs de les tumbleweeds. Ouais, voilà. Là, c'est à ce moment-là qu'il reprend. C'est toute la ville de Houston fait le walk of shame pour rentrer chez lui. Et là, il arrive jusqu'à sa voiture, il se pose. Déjà, elle est brûlante parce qu'elle est au soleil depuis 6h du mat. Oula, la ceinture. Et là il y a vraiment un moment de respiration. C'est beau la vie. Et après, il se demande vraiment s'il a encore envie d'aller jusqu'au Mexique. Ouais. Ouais, en mode... Et là, il faut qu'il y ait un signe. Littéralement un signe, un oiseau. Ah, en Mexique. Non, ça dépend. C'est la chaussette. Ouais, ça dépend comment. Salut, ça se termine. C'est Cyril le signe. Les road trips, généralement, c'est triste la fin. Ouais. Du coup, tu sais, c'est toujours la mort des personnages, des trucs comme ça, tu vois. C'est généralement la mort des personnages. Du coup, est-ce que finalement c'est soit il arrive au Mexique et il meurt sur la maison natale de Juan et c'est beau pour lui, ou soit genre il arrête avant et il meurt dans sa voiture. Une fin entre les deux, c'est-à-dire un peu une fin à la Baby Million Dollar Baby, où Clint Eastwood, on sait qu'il est, enfin en tout cas on nous dit, je crois que c'est dans Million Dollar Baby, oui, on nous dit qu'il est parti faire un resto. Où il fait des tartes au citron. Putain, c'est avec Clint Eastwood, je sais plus quel film. C'est Million Dollar Baby, c'est un film ou alors de boxe. C'est Grand. Je crois que c'est Grand Torino. Parce que Million Dollar Baby, c'est un film de boxe, du coup, ça m'étonnerait. Ah oui, si, je crois qu'à la fin, son entraîneur il part. Oui, du coup, Clint Eastwood est entraîneur de Hilary Swank, je crois. Film incroyable déjà. Oui. Actrice incroyable qui n'a fait qu'un seul film. Elle a pas fait 15. En plus, en vrai, elle a gagné un Oscar, donc ça passe. Ouais. Franchement, tu peux t'arrêter sur un Oscar. Voilà, mais moi, j'avais beaucoup aimé ton idée, Antonin, sur, sur le fait qu'il rencontre un peu un mec comme lui à la fin. Peut-être que justement, il trouve un endroit où poser et tout. Limite, il s'entend bien avec des Mexicains, il fait des trucs, avec ces Mexicains. Et là, il y a un gros promoteur de merde. Il y a un gringo. Voilà. Hey, gringo. Il est sur un puits de pétrole, voilà. Évidemment. Et, et genre, le mec, il va être bon, tu me sais de TTA là. Ouais. Lui, bah, ça, bon, je te les rachète, c'est bon là. Et genre, lui, bah non, j'ai tout construit. Ni, voilà. Et peut y avoir, ça peut très mal finir en mode le capitalisme tue. Voilà. Mm. Ah, mais oui, ouais, mais, bien, mais bien. Voilà. Genre, la morale, c'est. De toute façon, t'es dans la merde en fait. Ouais. Et ça peut être vraiment un truc con. Oublie, quoi. Fume, man. En tout cas, je trouve ça vraiment bien de le ramener, de le renvoyer à son personnage du début et de se rendre compte à quel point, pas il était dans le mauvais truc, mais enfin. Il était dans le. Dans c'est, ça aurait pu être lui, quoi. Mmh. En mode. Putain, mais. S'il... Quel est ton but, quoi, dans la vie, tu vois, genre. Et ouais, j'aime bien. C'est vrai que c'était mon idée. Mais c'est ton idée. J'aime bien que tu l'aies développé. Je la trouve. Parce que là, du coup, après le moment de respiration, il y a un truc. Il voit un panneau avec marqué Mexique, genre 400 km. Enfin, Mexico. Moins, beaucoup moins. Houston, 300 miles. Ça doit être vraiment proche de Mexique. Ah, je suis pas sûr. Hein. Bah, c'est pas beaucoup 400 km pour les États-Unis. Ouais. Je vais voir. Ok, non, tu veux jouer. Tu veux alors, qui, au plus c'est important. Ok, moi je dis 350. Du coup, je suis allé voir et en effet, c'est quand même plus de 500 km. C'est à combien? Plus de 500 km. Ouais, voilà. C'est... Ouais, donc genre, je n'ai rien dit. Voilà. Meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, meilleur star. Meilleur rôle. Mais du coup, il voit un panneau genre Mexique 400 km. Ouais. Voilà. C'est vers là-bas. Et là, il se rappelle de. Ok. J'ai fait tout ça pour Para Juan et tout. Para Juan, mais Para Juan. L'accent trop prononcé. Et là, les 400 km et tout, il file à toute allure. Enfin, c'est marqué en miles, du coup, Fox, parce que c'est le système américain, mais bref. Ouais. Et donc, il arrive à la frontière et tout. Et il faut qu'il y ait un moment où il est devant les douaniers. Il dit motif. Et il dit Juan. La bam cut. Et générique. Voilà, mais c'est... Et il y a une scène après ça. Le premier générique. Non, attends, non, il faut qu'on croit que c'est fini. Il y a un cut assez long. Ouais, genre 5-10 secondes de noir. Ouais. Et après. Là, genre 5 ans plus tard, on est comme ça, tu vois. On voit un. Ouais, on voit un panneau. Un champ, non, on entend fin de la guerre du Vietnam, etc. Genre à la radio. Mmh. Ouais. Pour avoir un indice de. C'est fini quand 75. Ouais. Oula, ça durait 20 ans? Non, c'était 60. Ah, si, non, elle est très très longue, la grève. Je veux dire, ça se termine. Ah, oui, ça se termine et ça se termine après, c'est Reagan qui est quasiment président. Ils y sont genre retournés et tout. Enfin, c'est un truc de fou, la guerre. Ouais, parce que okay, la première, ça dure 20 ans, la guerre du Vietnam. Oui, même dans Apocalypse Now, ils disaient justement qu'ils étaient là depuis. Bah, c'est tout le propos d'Apocalypse Now. C'est genre tout le propos de. Ils sont là depuis super longtemps, ils en ont marre, tu vois. On se rend vraiment pas compte. Ok, donc ça va pas être ça, c'est trop long, 20 ans. Bah, si, justement, c'est la fin et là, du coup, il meurt de vieillesse beau, genre. Enfin, non, justement, parce qu'il devait être confronté à son lui d'avant. Moi, je veux Ouais, moi, je veux bien qu'il soit confronté, genre, pas trop longtemps après, tu vois. Genre, quelques années. Il a quelques années de répit. Où, on ouais, voit, 5 ans dans les années 60. En fait, on découvre, il s'est un peu fait son truc à la Red Dead Redemption 2, tu vois. Genre, il s'est fait. Enfin, il s'est fait aider forcément, mais il a son ranch. Ouais. Il a pas de. On peut dire qu'il a du bétail, il fait faire du maïs, des trucs du Mexique, quoi. Ouais, il est venu des patates. Il est venu aider, genre, chose d'une famille. Genre, il est venu aider. Exactement. Ce qui peut être extrêmement stylé, c'est genre de voir Malcolm X à la radio. Et genre, il est connu maintenant. Voilà, ah bah oui. Bah, 65 ans plus tard. Ouais, de ouf. Et comme ça te donne et un. Et aussi avec le développement hippie. Et là, enfin, bref, tout un truc qui reflète en fait les prémices de ce qu'il a vu, tu vois. Mm-hmm. Ok. Très stylé ça. Et, et du coup, là, il entend Malcolm X et là, il tient le bouquin qu'il lui a donné. Et mon gars, sûr. Ouais. Mm-hmm. Et un peu encore. En écoutant la cassette de blues. En même temps, le pochetard qu'il lui a donné, c'était un truc de 1 kilo. Après, vas-y, pipi. Ou là, au pire, il cultive. Au Mexique, bah ouais, hein, bah ouais clairement. Énormément de trafic. Non, il est légal. Tu vois, il bosse avec le cartel de Medellin. Y a, le 2, c'est un film de gangster et tout. Mais en fait, c'est Narcos, quoi. La suite. Non, en vrai, il est tranquille. Il fait du maïs, des patates, de l'avocat. Et il a des bétails, il a plein de poules et tout. Ouais. Il s'en occupe très très bien d'ailleurs. Ouais. Et on entend Malcolm X à la radio. Et là, on voit une voiture, un pick-up très américain qui vient dans la poussière. Et c'est un mec en costard blanc. Ouais. John Connor. Qui a un peu saupoudré de sable jaune par-dessus. Ouais. Du coup, ouais. C'est chiant le podcast à chaque fois. Mais, je fais un pays qui est chaleur dans ce pays. Très l'accent hyper américain. Et il dit putain, quel pays de merde, il fait trop chaud et tout. What a fucking country. Where the fuck is this fucking man? Non, mais il peut être très ouais, langage urbanisé à la con. Ouais. Ouais. Et après, il lui parle, dit c'est vous, John Connor. Déjà, il rigole, comme nous tous. Et, en anglais, du coup, c'est Sean Fucker. John Yellow Fucker. Fucker. John Fucker. Et là, il lui répond oui, c'est moi. Avec la voix super grave. Oui, c'est moi. C'est moi, là. Il fait le bruit de la voix de la chaussette. Oui, c'est moi. Oui, c'est lui. Et non, il répond. Schizo maintenant. Ça, non, il est soigné maintenant. C'est John Panaclock. Quelle horreur. C'est John Panaclock. Non, il est soigné. Il a plus ce problème de chaussettes. Voilà, on va dire ça. Et comment dire, il dit oui, c'est moi, etc. Et là, il dit vous savez que vous êtes sur des terres qu'on va racheter. Et il dit comment ça, moi j'ai bâti ça de mes propres mains, je suis venu ici et tout. Là, il lui explique qu'il y a du pétrole. Qu'il y a du pétrole et que ce sera pas. En fait, ils vont lui faire une offre de gentillesse, mais en fait, c'est un ordre de dégager parce que c'est un peu comme en France où t'es obligé de. L'État, s'il veut construire un truc, il est obligé de racheter les propriétés par-dessus. Mais en vrai, s'il dit qu'il va les racheter, il va les racheter. Comme dans, le mec dans là-haut, en fait. Oui. Genre, nous sommes trop forts pour vous, désolé. Voilà, c'est genre, on fait ça parce que c'est la loi, mais en vrai, on s'en bat les couilles un peu. Oui. Et là, tout de suite, non, mais je veux pas partir, c'est la terre de Juan. Oui. Et là, il commence à s'énerver. Et il était venu avec deux gardes du corps et tout, des mecs armés, parce que c'est, je sais pas. On va dire le lobby du pétrole à l'époque, encore pire que maintenant. Ouais. Et là, il commence à vouloir s'énerver et tout. Il sort son couteau là, qui se sert pour égorger les bêtes. Parce qu'on est quand même à l'époque. Hein. On va pas faire ça. Hein. Bon. Ouais. Et là, il sort son couteau et il le prend pour une menace. Et là, bam, deux balles dans le buffet. Ouais. Et c'est la fin. John Fucker. Franchement, c'est bien, mais je pense que ça pourrait être encore plus dramatique. C'est trop, ouais, mais c'est trop théâtral, c'est de la fin. Genre. C'est trop démonstratif. Moi, c'est très démonstratif. Non, mais c'est très démonstratif. Alors que tout le film, c'est très contemplatif, ouais. Très calme. Oui, c'est et là, sûr. C'est sûr. Bah, ça fait, pourquoi cet excès de violence à la fin, Antonin? Mais non, mais ça peut être. C'est la violence du capitalisme qui te revient en pleine gueule. Mais oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est la désillusion. L'argent. La cruauté. Moi, c'est ça le cru. Ouais, mais c'est. Est-ce qu'un mec, est-ce que vraiment, même s'il est très capitaliste, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à tuer la personne? Oui, non, mais en fait, c'est ça que je me dis, en fait, ça peut être. C'est trop. Ça peut être le mec, en fait, il dit ok, très bien, je me casse. Et en fait, le soir, il brûle sa grange. Et genre, le personnage, comme il dans John Wick. Il est en mode putain, ma grange. Comme dans John Wick. J'ai pas vu John Wick, donc peut-être. Non. John Wick, il se fait voler sa voiture et tuer son chien parce qu'il a manqué de respect à un mec de la mafia. Ah ouais. Et en fait, il savait pas que John Wick c'était le meilleur assassin de tous les temps. Ah oui, okay, coup, oui. Le gars il dit ok, t'es sûr? Je vais venger mon chien en fait. Ouais. Il tue, je pense, je sais pas le body count du film, mais ça doit être une bonne centaine. Disons qu'il y en a 3 donc. Je pense qu'il y en a au moins 150-200 qui tuent. Et bon, ça va pas être ça pour John Connor, mais. Mais du coup, là, John, effectivement, il voit ça quand il pète complètement un câble. Et effectivement, là, peut y avoir une scène où la violence a lieu, quoi. Okay. Enfin, je me dis, en tout cas. Ou alors, il meurt, il se rend compte qu'elle brûle, et en fait, il bouge pas, il dit. Ouais. Si je perds ça, j'ai tout perdu, tu vois. Ouais. Oh non, c'est horrible ça. Et non, il se suicide pas. Okay. C'est dur. Enfin, en vrai, c'est. Il se laisse mourir, en vrai. Ça serait. Ok, mais tu vois, genre, ce serait possible, mais c'est horrible. Ouais, bah, on peut pas créer un truc comme ça. Ah non, ou alors ce qu'on peut faire, c'est faire une fin ouverte, genre en mode, on voit que nous, que la grange brûle, et lui, il est endormi, et genre, le dernier plan, c'est genre un travelling très très lent. J'allais, lui, exactement, un très très lent. Et on léger, sait jamais s'il va se réveiller, tu vois. Et comme derrière, ça, avec c'est une musique qui dézoome sur. Non, mais avec le bruit du crépitement des fleuves qui devient assourdissant. Et la fumée qui commence à. Et là, alors on le voit, si on le voit aller dehors, on le voit se diriger vers la grange, et ça s'arrête comme ça. On sait pas s'il va vers la grange ou s'il tourne, genre, avant. Comment ça? Bah non, mais genre, si on le voit, il part, enfin, on le voit partir. Ouais. Genre vers la grange, mais on sait pas si c'est pour aller, genre, dans la grange, du coup, en feu, ou si c'est, genre, pour tourner avant. Et c'est ça, ça fait un peu. Ah oui. Je sais pas. C'est moins explicite que le fait qu'il va se réveiller ou pas, tu vois. Genre, s'il se réveille, ouais. Il vit, s'il se réveille pas, il Et on peut dire que la fumée du feu, elle fait un dollar. Vraiment le bruit de faim, ouais, genre. Ça. Regardez comme on n'est pas. Il y a vraiment le, le bruit des On n'est pas subtil, les gars. Il y a vraiment le bruit. Justement, genre, elle commence Il y a deux discussions en même temps. Ça marche pas pour un podcast. Non, je disais, la fumée, elle commence juste à arriver dans la pièce, tu vois. Et ça, ça se coupe vraiment au moment où, genre, s'il se réveille pas là, il crève, tu vois. Puis en plus, c'est vraiment le hyper cinématographique. La lumière serait très, très orange, très brute. Ouais. Très Mexique. Très Mexique. Trop, peut-être. Trop Mexique, là. Et non, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette fin. Ça fait un peu fin Million Dollar Baby, sans spoiler, bien sûr. Mais je trouve qu'on est dans un road movie absolu. Moi, j'adore. Ouais, le développement du personnage est incroyable. Et à chaque fois, il y a des étapes de bien marquées. Je trouve que là, on est vraiment sur. Moi, j'aimerais bien voir ce film. On a fait moins de vannes que d'habitude, mais j'aimerais bien qu'un film comme ça existe. Ouais, alors que La guerre des émeux, je suis pas sûr de vouloir La guerre des émeux. Même moi, ma comédie musicale moyenne. La jeuse, là, je... Ça, par contre, si. Bien sûr. En vrai, c'est tout, assez drôle. Tout repris à la corde. Oui, en vrai, rien que pour ça. La BO. Mais c'est juste que. La BO, elle est folle. Ça va être bizarre. Je m'en suis pas. Vraiment, je ne serais pas mis depuis 3 jours. D'ici à ce que cet épisode sorte, tu auras écouté et tu auras changé d'avis. J'attends tes petits montages sonores, du coup. Je vais trouver un mec qui joue de la cornemuse, je vais le payer. Puis je vais... Est-ce que vous pouvez enregistrer une heure de BO, s'il vous plaît? Non mais voilà, merci, okay. Merci à tous, c'est un plaisir comme d'habitude. Oui. Pour conclure, vraiment, merci d'avoir suivi John Connard. John Connard. John Fox. On attend que Chloé Zhao achète les droits du film, du coup. S'il te plaît, Chloé. Oui. Même si j'aime pas Aimé Nomadland, mais bon, c'est un autre sujet. T'aimes pas quoi? J'ai pas aimé Nomadland, mais j'ai en vrai, dire, des, j'ai, j'aime des... pas. J'aime pas Chloé Zhao. Elle a des bonnes idées cinématographiques. Ouais. Le film Marvel qu'elle a fait, là. Ah oui, Les Éternels. Si, j'ai bien aimé. T'as aimé Les Éternels et t'as pas aimé Nomadland? C'est pas pareil, de toute façon. Parce que les Éternels, c'était très blockbuster, comme Dune, très content, enfin, très blockbuster d'artiste, tu vois. Alors que Nomadland, c'était très film indépendant américain, quoi. Genre, comme. Mais tu sais que vraiment, limite, j'ai préféré The Rider, son premier film, que Nomadland. J'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Moi, je voulais trop voir The Rider. Mais pour revenir un peu à ce truc-là, c'est qu'il y a un côté très documentaire dans les. Road movies, et il y a même peut-être des documentaires qui pourraient être un peu road movies. Ah bah carrément. Genre La Panthère des Neiges, c'est un documentaire, et c'est, au final c'est très road movie parce qu'il y a un développement du personnage, du narrateur et tout. Enfin, je trouve. Parce que si, parce que ça. Enfin, en tout cas. La réflexion avec l'eau dans la bouche. Non, c'est vrai que je trouve que ça l'amène à changer d'avis, de position un peu sur la société et de se rendre compte de plein de trucs. Je parle du narrateur là, tu vois. Je parle pas effectivement du oh là là, on a trouvé du la Panthère. Oui. Ouais. J'ai pas vu. Non, mais je trouve que. En tout cas, il y a un côté très documentaire dans les road movies. En tout cas, pour revenir au propos de. Oui, parce c'est, que ça c'est peut-être aussi. Société, forcément. Nomadland, c'est quand même qui est quasiment documentaire. Ah oui, non, mais bien sûr. Et puis voilà, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai que même d'un point de vue personnage, il y en a très très peu. Et après, bon, maintenant c'est de plus en plus. Au début, c'était très acteur professionnel, mais c'est vrai que maintenant c'est très. On filme un peu comme ça avec une caméra, et c'est les gens. Nomadland, c'est vraiment des gens qui vivent là dans les régions où on filme, quoi. Bah, comme Saint-Antoine Illois. Oui, bien sûr, pareil. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc assez. Et justement, c'est là où ils viennent creuser toute l'inspiration, c'est comment les gens vivent, quoi. Donc c'est vrai que oui, c'est très très documentaire. Après, ça dépend évidemment du type de road movie, quoi. Genre, O Brothers, c'est pas. C'est une comédie musicale. Oui, mais c'est pas documentaire, quoi. Non, pas tellement. Non, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai bien aimé en parler un peu des road movies. On a fait un film. Alors, juste à titre de comparaison, je vous invite, les auditeurs, de toute façon, si vous êtes jusque-là, c'est que vous aimez l'émission. Allez écouter l'épisode d'Intérieur Nuit, mais pas avec le crible. Tapez Intérieur Nuit. Je sais plus comment il s'appelle. C'est La Route, Jacques, l'épisode. C'est l'épisode 3 de l'ancienne émission. Qui parlait aussi des road movies. On en parlait beaucoup moins, mais on a écrit un film qui n'a rien à voir en termes de. Parce qu'on a fait un truc complètement barré, c'était presque des blagues. Et là, je trouve qu'on a été beaucoup plus sérieux et j'aime bien les deux. Voilà, donc à titre de comparaison, si vous voulez écouter, c'est La Route, Jacques. Voilà, très très. Ah, mais les road très movies, bon épisode c'est de bien tard l'époque. C'est incroyable. Ça peut être un très bon film. Ouais. Et voilà. Et écoutez, merci à tous. Merci. Merci. À une prochaine. Merci à vous, mes chroniqueurs préférés. Merci à toi, Antonin. Chéri, merci à toi, Antonin. Et Et à bientôt, à dans deux semaines. Alors, je sais pas du tout sur quel thème il s'agira, parce qu'on n'a pas encore fait la prochaine session. Mais ce sera forcément bien. Voilà. Mm-hmm. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, bien sûr. Mm-hmm. Si vous êtes là, de toute façon, vous l'avez déjà fait, car vous êtes uniquement ma mère. et voilà, bah, à bientôt, à dans deux semaines. Et puis, oula, je fais tomber mon micro. Voilà, un petit mot de la fin, peut-être. Au revoir là. C'est François Cluzet. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. À bientôt. Et passez de bonnes vacances. Bonnes vacances. Ce sera laissé.